bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence ce soir pour ce nouveau Mardi de l'espace consacré cette semaine, enfin ce mois-ci d'ailleurs plutôt, au corps, à l'épreuve de l'espace. N'est-ce pas, Xavier, ça t'a inspiré ? Ça me dit quelque chose, ça. Comme j'avais une santé de fer et que dans la vie je n'ai qu'un souhait, pouvoir un jour quitter la Terre, j'ai rencontré Thomas Pesquet. Avec lui je suis parti là-haut, j'en ai passé du temps, c'est beau, mais je suis revenu ici-bas. Je vous raconte pas dans quel état. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gauches, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui raidissent, les guibolles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapa, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin c'est pas sain. Plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires sont la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découpe, et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu que c'est embêtant ce voyage dans l'espace. Ah mon Dieu que c'est embêtant, maintenant je laisse ma place. Merci. C'était un hommage à Gaston Ouvrard. Qui l'a fait mieux que moi hein, quand même. Hein, c'était bien. Non, c'est bien. J'ai bien aimé le trou du cou qui se découvre. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais très bien. Bonsoir à tous. Évidemment, si vous êtes là, vous êtes si nombreux, c'est que vous aimez l'espace, probablement. Vous rêvez aussi d'espace, probablement, et rêvez peut-être aussi d'un pesanteur de ces corps qui flottent. D'un seul coup, on ne pèse plus rien. On est dans une sorte d'irréalité, de douceur. Ça a l'air extraordinaire, cet état-là. Mais derrière ce rêve, il y a une réalité qui est beaucoup moins glamour. C'est que l'espace, en réalité, est un milieu tout à fait hostile pour le corps humain. Les atteintes somatiques, c'est-à-dire les atteintes pour le corps, sont nombreuses. Sont touchés le système nerveux sensoriel, le système musculaire, les os, tout ce qui est cardiovasculaire. Il y a évidemment le psychologique, la psyché qui est aussi touchée parce qu'on vit dans des conditions de stress et assez complexes. Alors ces atteintes sont réversibles pour la plupart, mais pas toutes. Et puis surtout, on en découvre régulièrement de nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Alors comment et pourquoi est-ce que le corps est affecté de cette manière-là par la vie dans l'espace ? Comment est-ce que les médecins s'emparent de ces connaissances pour essayer d'améliorer évidemment la santé des astronautes à bord, mais aussi la santé des personnes qui sont sur Terre ? Comment est-ce qu'on peut traiter ces difficultés en vue d'un voyage spatial au long cours vers Mars, on va discuter de tout ça avec vous, parce que je vais venir vers vous, je vais vous passer le micro, et vous allez pouvoir discuter directement avec nos trois intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît, c'est Michel Tonini, François Spiro et Franck Lehaut. Michel Tonini, le micro pour vous, est-ce que vous voulez nous parler de vous, nous dire qui vous êtes ? Bonsoir, écoutez, moi j'ai été un peu comme Thomas Pesquet, mais il y a plus longtemps que lui. J'étais astronaute au CNES et j'ai fait un vol dans l'espace avec Soyouz et la station Mir, un peu comme Thomas. Et ensuite je suis revenu en France, je suis parti à la NASA pour faire un vol sur la navette spatiale Columbia. Et ensuite je suis revenu en Allemagne pour faire le responsable du corps des astronautes européens et j'ai sélectionné Thomas Pesquet. Vous avez bien fait, j'ai l'impression. Pas mal. Il se débrouille pas trop mal, j'ai l'impression. Ouais, dur de faire mieux. D'accord. À votre côté, François Spiro. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc, je suis le responsable des vols habités au CNES, l'Agence spatiale française. Voilà, donc vous, si on a des questions sur Thomas Pesquet, Proxima, l'avenir aussi des vols habités, on verra ça avec vous. Et puis, Franck Léo. Bonsoir, moi je m'appelle Franck Léo et je suis l'un des médecins à bord de l'Airbus Zéro Gravité. Ça me permet d'avoir la chance de côtoyer de temps en temps cet état merveilleux qu'est la pesanteur, mais qui est peut-être une fausse bonne amie comme on va le voir ce soir. L'impesanteur, une fausse bonne amie. Bon, d'accord, c'est tout un programme. Donc, ce mardi de l'espace, c'est comme chaque mois organisé par le CNES, donc l'Agence française de l'espace, en partenariat avec l'association Barre des Sciences Paris. Et vous pouvez intervenir sur Twitter pour partager ce que vous vivez ce soir, si vous avez envie, avec le hashtag CNES TweetUp. Et puis moi-même, je m'appelle Paul Debray, mais je suis ravi d'être avec vous une fois de plus ce soir. Eh bien, peut-être qu'on va commencer. Alors, avec qui est-ce qu'on va commencer? Je vous propose qu'on commence avec Michel Tonini, parce que vous êtes allé dans l'espace. Donc, Michel Tonini, on en revient comment? En bonne santé, alors? Apparemment. Hein. Apparemment, il dit. Apparemment, j'ai entendu votre speech en disant qu'il y avait certaines choses qui étaient irréversibles. Donc, pour moi, c'était une nouvelle. Il est certain que lorsqu'on va dans l'espace, on subit quelques inconvénients. Tout d'abord, au bout de 6 heures, on a le mal de l'espace, donc c'est un petit peu comme le mal des transports. Maintenant, c'est bien expliqué, mais on s'y habitue. Et à l'époque, on avait un entraînement chez les Russes qui consistait à faire du tabouret tournant, qui était extrêmement très désagréable. Et, ça dure combien de temps, le tabouret tournant là? Alors, les séances faisaient 8 à 10 minutes ouais. Par phase. Alors, on faisait un mois pendant tous les jours. Je me souviens, c'était avant le repas. Donc finalement, j'avais pas envie de manger après, donc j'ai maigri à cette époque-là. Et c'est quand même beaucoup plus fort, le tabouret tournant, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on ressent dans l'espace. Le mal de l'espace, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus progressif et qu'on peut régler. On peut régler en évitant de bouger les yeux, de bouger la tête. Si on cale vraiment son visage et son regard ou son corps, on a beaucoup moins de problèmes. Alors ça, c'est la première chose que l'on découvre. Et ça marche, le tabouret tournant? Parce que on a plutôt dit que en fait ça servait à rien, ça servait juste on s'entraîne pas au mal de l'espace. C'est difficile de dire que ça sert à rien. Disons que ça permet de voir comment on va être malade si on a une résistance forte, moyenne, faible. Donc on nous classe en plusieurs catégories. Le mal de l'espace est moins fort que le tabouret tournant. Est-ce que ça aide? Je ne sais pas. Ça permet de s'habituer. Moi, à l'époque, j'étais très mal, très mauvais en tabouret tournant. Et au fur et à mesure des années, au bout de 4 ans, je suis devenu moyen. Mais dans l'espace, c'était bien. Dans l'espace, c'était bien, vous? C'était bien, j'étais bien, d'accord. J'ai pas eu de problème du tout. Parce qu'il y a quand même l'euphorie. Ah oui. dans vos capteurs que vous avez intellectuels, vos capteurs de sensitivité, vous avez le mal, mais vous avez également le bonheur. Et l'un peut compenser l'autre. Donc c'est la première chose qu'on peut avoir. Et vous avez eu l'euphorie? Alors moi, j'ai eu, comme tout le monde, l'euphorie. Quand vous avez les photos, comme vous voyez ici, là... vue de la Terre. Alors voilà, vous avez un petit... Donc ça, c'est des photos qui font un rêver. Un petit livret sur vos tables. Et vous avez la première page où on voit, c'est les pieds de Thomas Pesquet au-dessus de la Terre. Elle est impressionnante, toute cette photo. C'était il y a quelques jours, là, pendant sa sortie extravéhiculaire. Ensuite, la deuxième nouvelle, c'est que lorsque vous arrivez au bout d'une journée, vous regardez vos collègues et vous voyez que ses jambes sont grosses comme des pattes de coq. Donc ça, c'est impressionnant. Vous regardez les vôtres, c'est la même chose. Donc tout le liquide que vous avez habituellement sous la pesanteur avec une répartition classique change et tous les liquides partent des pieds vers la tête. Donc vous avez la tête qui gonfle même un peu trop. Parfois, ça fait mal un peu à la tête. Et vous avez les jambes qui ont vraiment diminué. Donc ça, c'est une modification visible. Et ensuite, il y a le côté musculaire qui va diminuer. Mais on ne s'en rend pas compte parce que dans l'espace, on est bien. On est étonnamment bien. On flotte. C'est un sentiment extrêmement agréable. Et on voudrait rester comme ça tout le temps parce que c'est de s'affranchir de son propre poids. C'est vraiment très agréable. Et quand on est patron des astronautes comme vous l'avez été, la question de la santé des astronautes, c'est une préoccupation? Alors les astronautes sont suivis régulièrement par les médecins. On leur fait des tests médicaux tous les 3 mois de façon à être sûr qu'ils vont être bons pour le vol. On m'a toujours posé la question, est-ce qu'on vous enlève la rate, l'estomac, le foie? On n'enlève rien. Avant de partir? On n'enlève rien. Même pas l'appendicite? Même pas l'appendicite. Pour la petite histoire, Thomas Pesquet, juste après la sélection, est arrivé à l'entraînement chez nous, à Cologne. Et le premier mois, il a eu l'appendicite. Mais c'était vraiment un coup du hasard. Mais on n'enlève pas l'appendicite. Moi, j'ai encore l'appendicite. J'ai volé deux fois. Mais on n'enlève pas les organes. Heureusement, d'ailleurs, on n'enlève pas les organes a priori. D'accord. D'accord. Alors, à votre côté, il y a Franck Lehaut. Vous disiez l'impesanteur, c'est une fausse bonne amie. Qu'est-ce que cette histoire ? On en rêve de l'impesanteur, on a envie de flotter. Michel Tonini nous dit c'est merveilleux, c'est une sensation. Vous êtes en train de nous annoncer des mauvaises nouvelles, là. En fait, c'est parce qu'il y a une dualité, si vous voulez, entre le côté hautement jubilatoire que provoque l'apesanteur chez les gens qui la découvrent. C'est vraiment un état merveilleux et on voit, nous, dans l'avion 0G, les gens qui vivent ça pour la première fois. Rappelez ce que c'est que l'avion 0G. L'avion 0G, l'Airbus, c'est un avion qui va reproduire des états d'apesanteur par un mouvement parabolique qu'il effectue dans le ciel. Grosso modo, on fait une trajectoire en cloche. C'est ça. On monte, on lâche les gaz et puis il y a une sorte de, voilà, de petite trajectoire et pendant... Pendant 22 secondes, on se trouve en état d'apesanteur. C'est une vraie apesanteur. C'est une vraie apesanteur. C'est pas une apesanteur simulée, vu que pour être en apesanteur, en fait, il faut tomber. Donc, c'est ce qui se passe avec l'avion. Et donc, il y a une jubilation des gens qui découvrent l'état d'apesanteur. On entend des cris dans l'avion, des cris de joie, des hurlements. Et ça montre bien à quel point c'est fantastique de vivre ça. Mais en même temps, peut-être une fausse bonne amie, puisqu'on sait qu'au fil des mois et peut-être des années éventuellement passées dans l'espace, il y a certaines dégradations qui sont quand même assez sévères au niveau du système musculaire, osseux, immunologique, cardiaque. Enfin, les conséquences sont très nombreuses et peuvent être assez parfois dures à récupérer et assez néfastes. Ok, donc il faut rappeler que vous êtes médecin, vous êtes justement qualifié aéronautique, hein, et vous suivez en particulier, vous êtes le médecin de Novespace. Novespace, c'est la société qui fait voler cet avion 0G. Et d'ailleurs, les vols 0G sont maintenant ouverts au grand public. Voilà, depuis 2013, on a ouvert les vols au grand public et désormais, effectivement, le public peut s'offrir un baptême d'apesanteur. Moyennant une certaine somme, hein, puisque ça coûte 6000 euros. Ah, quand même Oui, mais je vous garantis que c'est quand même un souvenir à vie. Voilà, pour tous les gens qui sont là, Michel dit que ça va être gratuit. Mais c'est Michel qui le dit. Donc oui, parce que c'est quand même un avion, un Airbus 300, hein, qui a été spécialement adapté pour résister à tout ça. Hein. Donc évidemment, ce n'est pas gratuit, ces vols-là. Donc 6000 euros, et on a combien de paraboles ? Alors, on a au cours de ce vol 15 paraboles, mais on vous fait connaître... Donc 15 fois l'impesanteur. Alors, pas tout à fait, puisqu'on vous fait connaître la gravité martienne. On fait une parabole à un tiers de gravité. Ouais. Vous avez l'impression de marcher à la surface de Mars. Ensuite, on vous fait deux paraboles en gravité lunaire. Donc, vous pesez plus qu'un sixième de votre poids et vous êtes comme Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Vous sautez dans l'avion comme si vous étiez à la surface de la Lune. Et ensuite, 12 paraboles 0G. Sympa quand même. Sympa. Ok. D'accord. Il y a quand même du nouveau là dans ce domaine de la. Je disais qu'il y avait des atteintes nouvelles qu'on découvrait de temps en temps. Il y a du nouveau justement concernant les atteintes corporelles qu'on découvre chez les astronautes. Pour prendre par exemple juste un exemple, il y a peut-être des atteintes auxquelles on porte un peu plus attention qu'avant parce que les missions maintenant dans la station sont des missions longues, alors que par exemple dans la navette spatiale elles étaient plus courtes. Et que si on veut parler par exemple des anomalies de la vision, les astronautes les évoquaient, en tout cas un certain pourcentage d'entre eux, lors des missions de navette. Mais c'est surtout avec les missions longues que leur proportion a augmenté parmi les astronautes qui les rapportaient de plus en plus nombreux. Alors, il y a quoi, par exemple ? Vous parlez de l'œil. Alors, justement, si on regarde le petit livret là, qui vous a été distribué, si on regarde en page 2, il y a la page qui s'appelle l'œil. On a quelques images là à montrer. On en a d'autres là ? On en a d'autres. Qui n'en a pas ? Dans le fond là ? Tenez. Allez-y, je vous en prie. Alors, en fait, pour plusieurs raisons, dont principalement, elles ne sont pas toutes élucidées, mais principalement du fait des mouvements de la re-répartition des fluides vers le haut du corps et notamment vers la tête, mais aussi à cause d'une pression un petit peu augmentée dans le liquide céphalo-rachidien, aussi peut-être un peu à cause du taux de CO2 dans la station qui est un petit peu plus élevé, on assiste à une sorte finalement de compression de l'œil, de d'hypertension intracrânienne, qui va compresser la partie arrière de l'œil et donner, là on voit une image de fond d'œil avec en haut des sujets avant le vol et des sujets après le vol. Et on voit un œdème de la papille, qui est la zone de la rétine où le nerf optique arrive. Voilà. Et on voit sur l'image d'en dessous que la partie arrière de l'œil, hein, l'œil ne forme plus tout à fait une sphère, mais la partie arrière de l'œil est comme aplatie. Donc là, vous êtes en train de décrire l'image en bas à gauche. Hein. Voilà, c'est ça. On voit une espèce de... Normalement, le globe oculaire, c'est un globe, il est circulaire. Et là, ce n'est pas le cas, il est complètement aplati derrière. Il est aplati par ces phénomènes un petit peu d'hypertension intracrânienne, d'excès de fluide au niveau de la tête et d'excès de pression du liquide céphalo-rachidien. Et donc, ça aboutit à une dégradation déjà de... Enfin, on voit l'œdème qu'il y a juste au-dessus. Alors, on voit l'œdème, excusez-moi, enfin, je ne vois rien du tout. Alors, l'œdème, c'est cette zone blanche que vous apercevez sur les images du dessous. Hein, alors, on va bien se comprendre. On a l'image en haut à gauche avec les quatre images rouges, d'accord ? Voilà. Donc ça, alors, les deux images qui sont en haut, vous voyez, elles sont écrit faites avant le vol. Pre-flight, c'est en rouge. Voilà. Pre-flight. Et en vert, il y a écrit post-flight. Donc, les deux images en haut sont des images avant le vol et les deux images après sont après le vol. Et donc après le vol, il y a un œdème ? Il y a un œdème, c'est cette zone blanche là que vous apercevez et qui est due au fait que le nerf optique va rentrer dans la face postérieure de l'œil et la partie arrière de l'œil globalement va s'aplatir. Ça, c'est le fond d'œil, c'est le fond de l'œil qu'on voit. Exactement. C'est la partie qui justement n'est plus circulaire mais qui s'aplatit là. Et ça va avoir déjà pour conséquence, cette diminution de la forme de l'œil va faire devenir un petit peu les gens hypermétropes. Je ne sais pas si Michel va le confirmer. Hypermétrope, ça veut dire un trouble de la vision de près et puis une dégradation de l'acuité visuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais dont on parle plus avant qu'avant, puisqu'avant, on était un peu plus focalisé sur les problèmes osseux, les problèmes musculaires. Et ça, c'est non pas nouveau, mais ça prend une importance croissante. Et sur l'image de droite, on voit ça, c'est une mesure, un examen. Une mesure de la tension oculaire qui est faite sur Thomas Pesquet. Ah d'accord. Ok. Et donc, si on a un appareil pour ça... Peut-être pas Thomas Pesquet. Non, c'est peut-être pas Thomas Pesquet. J'ai vu la même photo avec Peggy Whitson et Thomas Pesquet. Donc, non, je pense pas que ce soit lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok, Michel Tony, vous avez eu des atteintes oculaires ? Vous avez l'impression d'avoir la vue qui avait changé ? Parce que votre deuxième vol là, sur la navette, c'était combien de jours ? 5 jours. 5 jours, ok. Donc, c'est des vols courts. Et le premier vol sur Mir ? 15 jours. 15 jours. Ça, donc ce que tu dis, c'est vrai pour des vols qui sont longs. Nous, sur des vols courts, on n'a pas senti ça. Mais il faut dire aussi qu'on découvre de plus en plus d'anomalies chez les astronautes parce que nos appareils de mesure sont de plus en plus précis. Par exemple, moi, quand j'étais sélectionné, on a commencé à dire à certains astronautes, vous avez un léger souffle au cœur. Et après, on a trouvé des souffles au cœur à tout le monde parce que les machines étaient en couleur. Les machines qui faisaient l'échographie permettaient de voir du rouge et du bleu dans les flux qui montaient et qui descendaient. Et on s'est rendu compte que tout le monde avait un léger souffle au cœur. Donc, ce n'était plus une anomalie, c'était une normalité. Alors, pour l'œil, on a des appareils de mesure qui sont extrêmement précis. On arrive à voir maintenant qu'on a des anomalies aux yeux. Mais c'est vrai que certains astronautes portent des lunettes après le vol, lorsqu'ils ont une cinquantaine d'années. Mais normalement, à 50 ans, c'est normal d'avoir des lunettes, même avant. Bon, c'est bien. Donc, je suis dans la normalité, ça va. Ok. Franck Léo, juste avant de passer la parole à François Spirou, vous disiez même, quand on a préparé notre petite discussion, vous m'avez dit que l'impesanteur, elle est ludique, mais sournoise. C'est fort, ça ? Oui, enfin, ça veut dire que, en l'apparence, c'est vraiment un endroit dans lequel on aurait envie de vivre éternellement. Enfin, c'est ce que disent nos passagers. Je pense que Michel ne va pas démentir. Et sournoise, parce que, comme l'a dit Michel, il y a des effets dans le corps qu'on perçoit, mais d'autres qu'on ne perçoit pas. Comment voulez-vous percevoir votre propre dégradation osseuse ou éventuellement l'affaiblissement de votre système immunitaire? Donc, toutes ces modifications, elles ont besoin d'être mises en évidence par des examens parce qu'on ne les perçoit pas forcément toutes soi-même. François Spirou, alors merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes le monsieur vol habité au CNES, l'Agence française de l'espace. Et donc vous suivez évidemment Thomas Pesquet, qui lui... alors oui, il est CNES, il est ESA, il est quoi lui? Il est ESA, lui, alors, il est l'Agence spatiale européenne. Il est tout. Il est tout, ouais, oui. Non, sérieusement, Thomas a fait ses études en France, en particulier à SupAéro, à Toulouse, et il a un double parcours. Il a été au CNES plusieurs années au début des années 2000. Il a travaillé au CNES à Toulouse. Il a été ensuite pilote Air France Et je crois qu'il a toujours sa licence de pilote Air France. Et voilà. Et donc en 2008-2009, il a été recruté à l'Agence spatiale européenne. Donc aujourd'hui, c'est un astronaute ESA. Ça me permet de dire que il y a eu en France et en Europe, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période avant l'an 2000 et la période à partir de l'an 2000. Jusqu'à l'an 2000, vous aviez des corps nationaux d'astronautes, dont par exemple Michel, qui faisait partie du corps français. Michel Tognini, ouais. Et puis, à partir de l'an 2000, il y a eu une décision politique à très haut niveau de dire on n'aura plus de corps français, de corps allemand, de corps italien, etc. Et on a regroupé tout ça dans le corps européen des astronautes. Et il a été décidé à ce moment-là qu'il serait à Cologne. Et Michel Tognini, donc, a été un des directeurs de ce centre de Cologne. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, Thomas a un parcours franco-français, on va dire, jusqu'en 2009. Le CNES, Supaéro, Air France. Et à partir de 2009, il reste français. Mais voilà, il évolue dans un cadre européen avec l'Agence spatiale européenne. Alors, vous le suivez de très près. Comment est-ce qu'il va ? Il est en pleine forme. Je pense que ceux qui ont vu sa sortie extravéhiculaire vendredi peuvent approuver ce que je viens de dire. Sa sortie dans l'espace, ouais. Sa sortie, voilà, il est sorti 6 heures. Il a fait des tâches avec une rapidité exceptionnelle. En bout de 3 heures et demie, il avait terminé le programme qui lui était assigné et qui était censé durer 6 heures. Waouh ! Au bout de 3 heures et demie, il avait fini. Bien sûr, on ne le laisse pas simplement à prendre des jolies images comme celle-ci. Comme celle de la couverture de notre petit livret, oui. Voilà, et on avait prévu, bien entendu, toute une série de tâches additionnelles qu'il a faites, qu'il a très bien faites. Et au bout de 6 heures, voilà, il est rentré satisfait et fatigué. Et pourquoi est-ce que c'est fatigant très... Je crois qu'être dans l'espace, c'était formidable. On était en apesanteur, on flottait, on ne faisait pas d'efforts. Avec mon petit doigt, je peux pousser quelque chose qui fait 200 kilos sans aucun problème. Et vous êtes en train de me dire que ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de me dire que c'est fatigant. Alors, effectivement, dans l'espace, on peut faire une petite pitchnet comme ça. Et puisque vous avez au bout, ça va très loin. Sauf que le problème d'une sortie extravéhiculaire, c'est le scaphandre qui pèse d'une part 200 kilos, qui a des gants extrêmement rigide, gants chauffés, extrêmement rigide. Et donc, pour prendre un verre, là, c'est ultra facile ici. Le même geste là-haut, c'est comme si vous comprimiez une balle de tennis pratiquement jusqu'à son centre, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Donc, c'est extrêmement physique. Et les astronautes, mais peut-être Michel le dira mieux que moi, les astronautes, au bout d'une sortie extravéhiculaire, sont morts de fatigue. Pas Michel, si tu veux peut-être. Alors, juste un petit mot avant de passer le micro à Michel Tognini. Et lui, alors, comment est-ce qu'il était en sortant de sa sortie extravéhiculaire ? Il était fatigué, mais très content. Le message qu'il nous a fait passer, c'est qu'il était content du travail accompli, qu'il a eu un moment superbe. En plus de ça, ce n'est pas neutre. Il a travaillé en bonne intelligence avec l'autre astronaute, l'astronaute américain. Je dis que ce n'est pas évident parce qu'il y a eu d'autres astronautes dans le passé, en particulier des Français, où il y avait des difficultés de communication entre cet astronaute français ou d'autres astronautes et son collègue. Son binôme, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, ça joue énormément parce que c'est un travail, il ne faut jamais oublier qu'être astronaute, et encore une fois, peut-être Michel le dira mieux que moi, mais être astronaute... Il faut avoir évidemment des qualités intrinsèques, majeures, mais il faut au moins autant savoir travailler en équipe, en bonne intelligence. Michel Tognini. Oui, alors c'est tout à fait vrai, hein. Je fais écho à ce que dit François, il a un bon travail d'équipe, il y a une bonne coordination. Moi j'ai regardé la sortie extravéhiculaire, enfin, j'étais en conférence à Lens, donc j'ai suivi ce que je pouvais suivre. J'ai vu que dans ces images, Thomas travaillait beaucoup au début, il a beaucoup travaillé. Et après, il a compris qu'il arrivait à se surveiller au niveau cardiaque. Il arrivait à se reposer. J'ai vu des moments où il ne faisait... À se reposer, c'est ça ? Ah oui, j'ai vu pendant 2-3 minutes, il ne faisait rien. Il comprenait qu'il fallait s'arrêter, donc il s'arrêtait. Il est reparti. Il a fait comme s'il courait un marathon. Hein. Il a dit, il faut que je tienne pendant les 6 heures. Et il s'économisait pendant les 6 heures. Mais il faut savoir que ces runs que nous faisons dans l'espace, on s'entraîne dans des piscines de sortie extravéhiculaire pendant des durées qui sont... équivalente. La durée fait 7 heures. Mais il faut savoir que quand vous avez vu Thomas Pesquet à la télévision, quand il était tête en bas, c'est une manœuvre qui est extrêmement facile à faire en apesanteur, mais quand vous faites la même manœuvre que moi je l'ai faite en piscine, parce que j'ai fait tous les runs de sortie circulaire en piscine à la NASA, quand vous êtes tête en bas, vous appuyez sur les épaules avec votre poids qui fait 80 kg pendant 6 heures, à la fin, vous avez les épaules complètement démolies. Et ça, c'est en piscine, parce ça, que dans piscine. L'espace, j'imagine non, mais ça veut dire que on n'appuie pas sur... Ouais. L'entraînement en piscine est quand même plus dur, un peu plus dur que l'entraînement, que la réalité. D'accord. Plus dur dans ces cas-là. D'accord. Donc il a fait une sortie qui était vraiment bien. Il a surtout bien managé sa fatigue, son pouls cardiaque et sa résistance jusqu'au bout. Alors, il y a pas mal de sujets dont on n'a pas parlé. Vous vouliez continuer, François Spiro ? Non, c'est bon. Donc, il y a pas mal de sujets. Bah, voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, là, Xavier. Ah, bah, ça y est, c'est parti. D'accord, bon, d'accord. Bon, je me tais, non, mais il n'y a pas de problème. À son examen de tabouret tournant, tabouret tournant, tabouret tournant, Michel Tonini n'a pas eu la moyenne et ça, c'est embêtant. Ça ne l'a pas empêché de voler, pêcher de voler, pêcher de voler. Une fois dans l'espace, il a eu la grosse tête et s'est bien amusé. Michel serait plus désorienté sur le tabouret de mon piano, alors qu'aux commandes d'une fusée, il est comme un petit poisson dans l'eau. Eh bien, c'est le moment des questions, de la discussion. Vous êtes nombreux. Bah, écoutez, je viens jusqu'à vous et voilà, je vous passe la parole. Vous levez la main, c'est aussi simple que ça. Bonsoir. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on ne recrée pas la gravité qu'on a sur Terre dans l'espace, dans la navette, quoi ? Michel Tonini. Il faudrait des systèmes assez complexes, il faudrait des centrifugeuses assez grandes pour faire la gravité. Et ensuite, on s'est rendu compte que d'avoir des moyens de contre-mesure comme le tapis roulant, ou bien pour faire du sport, pour courir, ou bien lever l'ergomètre, arrive à donner à récupérer les muscles chez les astronautes de façon correcte, de façon satisfaisante, et surtout à diminuer la perte osseuse, ce qu'on avait énormément avant. On arrive à diminuer la perte osseuse grâce au tabouret tournant. Donc, avoir une centrifugeuse, bon, ça serait un petit peu... C'est pas le tabouret tournant, la perte osseuse, c'est... La perte osseuse, non, la perte osseuse, c'est qu'on perd du calcium. Oui, bien sûr, vous avez dit, on arrive à diminuer la perte osseuse avec le tabouret tournant. Ah non, avec le tapis roulant. Le tapis roulant, voilà, tapis roulant. Ça sound pareil, mais c'est pas la même chose. Si je peux compléter, en France, on est quand même très bon dans tout ce qui est la médecine de ce que Michel appelait les contre-mesures, c'est-à-dire contrer les effets néfastes de l'apesanteur, peut-être pas aussi néfastes que notre chanteur l'a dit dans sa première chanson tout à l'heure, la rate qui se débat, etc. Mais enfin, quand même des effets néfastes. On a une clinique spatiale à Toulouse, qui est une filiale du CNES, où on étudie toutes ces contre-mesures. Il y a des contre-mesures au niveau de sport, Michel y a fait allusion. Il y a des contre-mesures au niveau de l'alimentation, ça c'est peut-être moins su. On développe, voilà c'est avec vous, merci. On développe des plats qui ont du goût, qui ont ce qu'il faut en protéines, en vitamines, en apports nutritionnels divers et variés, en sels minéraux, et en même temps digestes pour les conditions de l'apesanteur, de telle sorte à réduire les effets néfastes de l'apesanteur. Donc, le message que je veux faire passer là, c'est que l'aspect médical, c'est le thème de la soirée, en France, la médecine française est reconnue dans le monde entier, d'une manière générale. On ne parle pas de la médecine spatiale. Et on applique des techniques, des recherches médicales au spatial, justement pour contrer les effets néfastes de l'apesanteur. Franck Lehaut, un mot tout de même, parce que Michel Tonini parlait de problèmes sur les muscles, des problèmes sur les os, mais on ne les a pas encore détaillés. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Bah, écoutez, quand on est en apesanteur, on est plus soumis à cette force qu'est le poids, qui a tendance à nous tasser au quotidien sur Terre. Et donc, il y a une relation directe entre la taille des muscles, la taille des os et l'impact de la pesanteur. Pourquoi les os dans l'espace continueraient-ils à être aussi solides alors qu'on n'a plus cette charge du poids? Pourquoi s'embêterait-il à continuer à être autant calcifié? Donc, sous l'effet de cette décharge qui est la disparition de la sensation du poids, on va avoir un équilibre, parce que l'os, il est continuellement en équilibre entre construction et dégradation. Hein, notre squelette, ce n'est pas le squelette qu'il y a dans les classes de sciences naturelles, tout calcifié. Tous les 10 ans, on change de squelette, en fait. Hein. On a un squelette neuf tous les 10 ans, ça veut dire qu'en permanence, le squelette se construit et se déconstruit. Et cet équilibre, il est harmonieux, bien qu'au fil de la vie, on perd un petit peu de masse osseuse. Mais dans l'espace, en fait, ce qui va l'emporter, c'est la destruction osseuse, parce que le squelette n'a plus autant besoin d'être solide. Et on peut transposer ça. Donc le squelette étant moins sollicité, il se fabrique moins, c'est ça ? Exactement. Ah, oui. Le fait, par exemple, de faire des squats, vous savez, de soulever des charges, etc., c'est bien non seulement pour les muscles, mais ça solidifie les os. Hein, et toute cette charge qui n'est plus là sur les os va être traduite en signaux biochimiques qui vont faire pencher la balance du côté de la déconstruction osseuse. D'accord. Alors il y a justement une page là sur les os. Où est-ce qu'elle est cette page-là ? C'est la page numéro 3. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé là comme image ? Microscanner osseux, densitométrie osseuse, Franck Lehaut. Alors là, ça illustre un petit peu la supériorité des examens les plus récents sur les examens les plus conventionnels. On voit ici une image d'ostéodensitométrie osseuse à droite. C'est typiquement l'examen qu'on réalise, notamment chez les femmes, pour savoir si, après la ménopause, leur squelette est solide ou bien si elles risquent de faire une fracture. Et donc qu'il faut leur donner des traitements pour éviter que cette dégradation des os se poursuive. Mais ce n'est pas un examen très fin, ce n'est pas un examen très précis. Et quand on fait, par exemple, comme à gauche, l'image d'un microscanner, là, on va rentrer dans les détails de l'os. Parce qu'il ne suffit pas que l'os garde ses minéraux, il faut aussi que son architecture elle soit préservée pour qu'il soit solide. Et dans l'espace, non seulement les minéraux fuient l'os, mais son architecture se dégrade. Donc on s'évertue à travers les contre-mesures à ramener du calcium sur l'os et finalement on commence à y arriver avec les derniers appareils, les derniers protocoles. On perd beaucoup moins de calcium qu'avant au niveau des os, mais l'architecture précise, fine des os, ces petites travées osseuses, elle, on sait qu'elle reste perturbée et peut-être même qu'elle ne retourne éventuellement jamais à son état antérieur. Donc moi je suis allé dans l'espace, mon architecture osseuse qui a été un peu altérée si je puis dire, ça signifie que je suis davantage sujet à des fractures éventuellement ? Oui, des chercheurs ont montré que 3 ans après le retour sur Terre, l'immense majorité des astronautes a récupéré une densité osseuse normale, c'est-à-dire la quantité de calcium fixée sur les os. Elle rentre dans les normes. Mais ce n'est pas du tout le cas de l'architecture osseuse. Ces petites travées qui sont là aussi pour assurer la solidité, puis un peu aussi la résistance, l'élasticité de l'os en même temps, on sait qu'elles restent perturbées. Et ça, les projections, c'est beaucoup plus long pour les récupérer. Et éventuellement, on se dit que ça ne récupérerait peut-être jamais totalement. D'où un risque augmenté de fractures, effectivement, au long terme, d'ostéoporose précoce. Alors on a bien compris que sur l'os, il y a d'une part la question de la minéralisation, d'autre part la question de l'architecture osseuse. Comment est-ce qu'on reminéralise des os dans l'espace ? Alors déjà, il y a plusieurs contre-mesures, effectivement, comme tu viens de le dire. Il faut faire de l'exercice. En fait, on arriverait à peu près à préserver nos os, selon un certain auteur, si on faisait au moins 4 heures de marche par jour dans l'espace. Oui, donc on n'a pas le temps de faire ça. Donc la première des contre-mesures, c'est de faire de l'exercice physique pour remettre cette charge qui est présente sur Terre, sur notre squelette. Et notamment, il y a un appareil fantastique dans la station qui s'appelle l'ARED, qui a été installé il y a quelques années. On en a des photos là d'ailleurs, sur les pages suivantes. Alors on va aller voir ça alors. Ça vous permet de faire tout un grand nombre d'exercices musculaires. C'est la page 5. Voilà. Et grâce à cet appareil-là... Exercice physique. Voilà. Cet appareil, c'est un appareil de musculation, mais c'est aussi un appareil de renforcement du squelette. Et grâce à cet appareil-là, on commence à avoir, sur des études sur quelques astronautes, une stabilisation de la densité osseuse en vol. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 1% par mois, ils perdent presque plus, ou 0,1%. 1% de la masse osseuse. Oui, de la masse calcique osseuse. D'accord. Hein. Et alors les autres contre-mesures, mais c'est ça qui est difficile. Donc l'ARED, c'est à gauche, c'est comme si je soulevais des haltères. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un appareil très très performant. Et c'est le même à droite en fait. Hein. Alors non, oui, c'est le même à droite. Oui, exactement. C'est ça. On peut l'utiliser j'ai cru que c'était pas le même. Dans beaucoup de configurations différentes. Et Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de contre-mesures aussi, parmi lesquelles simplement l'alimentation, puisqu'on sait que le principal obstacle, pour essayer de ne pas perdre de densité osseuse, il faut déjà manger et manger suffisamment. Et Michel va peut-être nous dire, jusqu'à des temps très proches, les astronautes absorbaient moins de 80% de leur ration calorique. Il y a une absorption... De leur ration calorique idéale. Prévue au sol. Hein. Et donc ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est un problème, ça. Effectivement. Ouais. Et puis ensuite, alors apporter des quantités de calcium phénoménales ne sert à rien. On l'a testé ? Oui, bien sûr. Ouais. Apporter des quantités plus importantes de vitamine D, on le fait un petit peu, mais au-delà d'un certain taux, ça ne sert à rien non plus. Et puis, dans les contre-mesures, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont liées. Il y a énormément de facteurs qui concourent à la dégradation d'un système, et pas seulement celles qu'on vient de citer. Et on peut dire que toutes les contre-mesures sont imbriquées les unes avec les autres. On a moins faim dans l'espace, Michel Tonini ? Alors, on a moins faim au début avec le mal de l'espace. Et aussi, on a moins faim. Enfin, moi, dans mon premier vol, qui était un vol russe, j'ai moins faim parce que, bon, la nourriture russe n'est pas forcément, comment dirais-je, elle est bonne, C'est mais pas votre bon, tasse de vodka. Vous voyez ce que je veux dire ? Le matin, vous avez des sardines au petit déjeuner. Bon, c'est pas forcément le mieux. Donc, c'est pas très goûteux. Maintenant, je sais qu'ils ont Ducasse. Vous êtes plutôt croissant ou pain au chocolat alors ? Je serais plutôt Ducasse, moi, quand même. Hein. Ducasse, hein, carrément. Ducasse, d'accord, ouais, carrément, Ducasse. D'accord. Enfin, alors, les Américains, ils ont un autre type de nourriture à base de tortillas, de beaucoup de trucs épicés. Moi, j'ai eu, par exemple, dans le vol américain, des hamburgers qui étaient dans des sachets en plastique déshydratés. Donc, il fallait mettre de l'eau dedans. Alors, ça faisait une espèce de hamburger à l'eau. Oui, bon. C'est pas la peine de prendre du poids pour ça, quand même. François Spiro. Merci, oui. Je voudrais embrayer sur ce que vient de dire Michel Tonini. Michel, tu as mentionné Alain Ducasse. Ça, chef, c'est un grand chef. Un grand chef français réputé dans le monde entier. Et en fait, nous, quand je dis nous, c'est l'ESA et le CNES, l'Agence Spatiale Européenne et le CNES, on a développé au fil des ans un partenariat avec plusieurs grands chefs, dont Alain Ducasse, dont Thierry Marx et encore un ou deux autres, qui nous prépare des plats spéciaux gourmets qu'on envoie aux astronautes. Alors, ils ne mangent pas ça tous les jours. Hein, donc, au petit déjeuner, Michel, désolé, il n'y aura pas du Ducasse tous les jours. Mais ils reçoivent ces plats pour des grandes occasions. Ça peut être un anniversaire, ça peut être le nouvel an, ça peut être un renouvellement d'équipage. Et donc, c'est un petit peu, si vous voulez, un drapeau français qu'on a aussi dans l'espace. Cette gastronomie française que nos astronautes dégustent là-haut. La nourriture de Ducasse est arrivée la première fois en vol pour le vol de Thomas Reiter en 2006, donc il y a 11 ans. L'Allemand, oui. Et je peux vous dire que depuis qu'il y a du Ducasse dans l'espace, on est très bien vu dans l'espace. Très, très bien. Tout le monde apprécie, que ce soit les Russes, les Américains, les Japonais et les Canadiens. Ils veulent plus de Français dans l'espace, très bien. Une question. Lorsqu'on volait sur Concorde, 18 km, on recevait de la radiation importante, beaucoup plus différente des vols normaux à 10 km. J'imagine que dans l'espace, à 400 km, la radiation doit être importante. Et surtout, est-ce que la combinaison protège suffisamment ? Concorde, 18 km d'altitude, hein, alors que les vols sont à 10 km d'altitude. Et la station, c'est plutôt 350-400 km. Bah effectivement, plus on est haut dans l'espace, moins on a cette protection de l'atmosphère. Vous savez que, en fait, la Terre, elle est protégée des radiations, enfin des rayonnements solaires, des rayonnements galactiques par la magnétosphère, qui va piéger déjà à peu près 99% du rayonnement que la Terre recevrait sinon. Et ensuite, vous avez l'atmosphère. La magnétosphère, c'est-à-dire les champs magnétiques. Hein, voilà. Et ensuite, vous avez l'atmosphère qui va se comporter comme une plaque de métal d'un mètre d'épaisseur supplémentaire pour essayer d'arrêter tout ce qui a pu passer. Et effectivement, quand vous êtes quand vous êtes à 30 km d'altitude, déjà, par exemple, enfin, je ne sais pas la hauteur du Concorde, mais 18 km. Vous avez l'immense majorité de l'atmosphère qui est déjà en dessous de vous. Donc elle n'exerce plus sa protection contre le reliquat de rayonnement qui a traversé la magnétosphère. Donc oui, on prend des radiations. D'ailleurs, quand on s'endort dans la station, vous êtes dans votre sac de couchage, et quand vous fermez les yeux, vous avez des petits stries bleus et verts qui sont les bombardements des protons qui rentrent dans la station, donc qui rentrent dans votre corps, qui rentrent dans votre œil, et on les voit de façon très visible. Entre le moment où on ferme la lumière, où on ferme les yeux et on s'endort, il y a 2-3 minutes. Dans ces 2-3 minutes, on est vraiment bombardé. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Ah d'accord. Ouais. Un vrai petit feu d'artifice alors. Oui, je voudrais ajouter un mot sur cette histoire de radiation. Alors, il y a ce que viennent de dire Franck et Michel au niveau de la radiation en orbite basse. L'ISS, c'est 400 km au-dessus de nos têtes. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Ouais. Voilà, l'ISS, Station Spatiale, effectivement. La 400 km au-dessus de nos têtes, c'est la banlieue. C'est Paris-Strasbourg, c'est pas loin. Peut-être plus tard dans la soirée, on verra en fonction des questions, on va parler d'aller un beau jour un peu plus loin. Je pense à la Lune, je pense à Mars. Et on a parlé, on a évoqué les ceintures de radiation, la magnétosphère terrestre. Quand vous êtes à 400 km comme la station spatiale, on est à l'intérieur des ceintures de radiation. On est protégé par les ceintures. Quand vous allez envoyer des astronautes vers la Lune et vers Mars, vous êtes très au-delà des ceintures de radiation. Et donc là, vous êtes bombardé plein pot. Et donc ça pose toute une série de questions médical pour la préparation des voyages humains Lune et Mars. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Radiation, donc ça veut dire qu'on est plus à risque d'avoir de déclarer des cancers quand on a vécu longtemps dans l'espace, Franck Léo ? Le cancer, c'est ce qui vient le plus vite à l'esprit. Et effectivement, la NASA tolère, est obligée, et les astronautes, d'accepter un risque de cancer accru par rapport à la population générale. On a tous à peu près 21% de chance de développer un cancer fatal dans notre vie. Hein. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Merci beaucoup, c'est très sympa, je ne connaissais pas ce chiffre. Et ce chiffre est augmenté de 3% chez les astronautes, donc 21 à 24. Voilà, c'est ce qui est officiellement accepté comme tolérable, comme gain comme augmentation de risque. Mais l'effet des radiations, ça ne se limite pas effectivement au cancer. On sait que ça, par exemple, on sait que c'est ce qui génère des cataractes, donc des opacifications du cristallin. Et on sait qu'elles sont beaucoup plus nombreuses chez les astronautes que chez les gens qui ne sont pas allés dans l'espace. On a aussi un effet des radiations, par exemple, sur la structure et la fonction de nos artères. Dans l'espace, il y a un vieillissement accéléré des artères qui ressemble au vieillissement terrestre. Et parmi les facteurs qui rentrent en compte là-dedans, il y a aussi les radiations, le rayonnement. Donc le problème de la vie dans l'espace, c'est pas juste l'impesanteur, comme on l'a dit, qui joue notamment sur l'os, par exemple, mais c'est aussi tout ce qui est radiation. Il est des gens heureux qui pour 6 000 euros comme Franck le haut là-haut dans son avion zéro. J'ai ses sans gravité H comme si on en fumait. Il n'y a pas de danger, je veux bien y aller, car comme Franck le haut là-haut, dans son avion zéro, j'ai l'euphorie qui me nourrit. Merci. Un petit addendum à ce qui vient d'être dit. Le scaphandre, ça protège des radiations ? Pas du tout, beaucoup, à la folie. Le scaphandre, est-ce que ça protège des radiations ou pas ? Pas trop fort, monsieur, merci. Pas trop fort. Le scaphandre, est-ce que ça protège des radiations ? Alors, le scaphandre ne protège pas des radiations, surtout que le plus grand temps que nous faisons dans nos vols spatiaux sont des vols dans la station, et la station n'est pas vraiment protégée. Il y a des endroits qui sont plus ou moins protégés, mais pour protéger la station, il faudrait des couches de plomb d'environ 1 mètre qui sont difficiles. Aujourd'hui, on travaille sur du multicouche, et c'est vrai que si on prépare aujourd'hui un voyage sur la Lune ou sur Mars, les radiations sont vraiment un problème très grave, très important. On y reviendra peut-être. Monsieur. Vous parliez justement des conditions sur de la longue distance. Par exemple, sur les projets qui sont en cours, on a la face cachée de la Lune sur le village spatial qui est plus ou moins prévu. Quels effets psychologiques, justement, le fait de ne plus avoir la Terre en vue, de ne plus être à une distance raisonnable pour un sauvetage, et si en plus on part encore plus loin vers Mars, par exemple, effectivement, là on part pour un an et demi, voire carrément deux ans et demi, et est-ce qu'on a commencé à évaluer l'impact psychologique pour les astronautes ? Oui, je vais essayer de répondre à cette question. C'est une très bonne question. On l'a dit il y a quelques instants, les radiations sont un des freins majeurs pour l'exploration humaine de la Lune et de Mars. Il y en a d'autres, et vous avez parfaitement raison, les aspects psychologiques sont des choses très importantes. Alors, je vais donner deux éléments de réponse. Le premier, et ça je parle sous couvert de Michel Tony en particulier, mais on s'est rendu compte... lorsqu'on fait les sélections d'astronautes en Europe et dans d'autres agences de par le monde, à la NASA et ailleurs, on s'est rendu compte au fil des décennies qu'il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, avec 36 diplômes, je caricature, savoir parler 10 langues, je caricature aussi, être excellent sportif, être en bonne condition médicale, tout ça ce sont des choses importantes et je ne pense pas, Michel, que tu vas me contredire là-dessus, mais ça ne suffit pas. Et on s'est rendu compte qu'il faut également une tête bien faite, c'est-à-dire avoir des gens bien dans leur basket, pour parler clairement. Des gens zen, et on l'a vu encore ces jours-ci avec Thomas Pesquet, qui a eu vraiment une sortie véhiculaire qui n'était pas évidente, et qui est resté serein, calme, tranquille, qui a fait son boulot en bonne intelligence avec son partenaire. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment les aspects psychologiques, c'est très important. Et on a eu, il y a quelques années, à l'initiative de nos partenaires russes, un enfermement de 6 personnes dans la banlieue de Moscou pendant 520 jours, la fameuse mission Mars 500, vous en avez peut-être entendu parler, dont un Français, Romain Charles, et justement avec comme but principal d'étudier comment 6 personnes enfermées pendant des mois et des années... Ça fait un an et demi, là. Voilà. Peuvent, est-ce qu'ils ne vont pas se taper sur la figure au bout de quelques semaines, quelques mois? Ça a bien marché, ce Mars 500, mais voilà, on n'est pas encore sûr. Alors, ça a c'est, apparemment très bien marché. Ça a excellemment bien marché, sauf que je n'enlève rien à Romain ou aux autres qui étaient enfermés, sauf qu'ils étaient sur le plancher des vaches. Ah oui. Ils étaient quand même à gravité 1, comme vous et moi. Il n'avait pas l'environnement radiatif, il n'y avait pas de risque d'une météorite qui vienne cracher sur le vaisseau spatial, il n'avait pas la radiation, etc., etc., etc. Donc, il pouvait être, s'il y avait une appendicite justement, il y avait l'hôpital de Moscou qui pouvait les accueillir rapidement. Voilà, s'il y avait une urgence médicale, il pouvait sortir à tout instant. Donc, ça a simulé pas mal, mais ça ne simulait pas tout. Alors ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément, plus spécifiquement, sur la Lune. Et en particulier la face cachée de la Lune. Alors c'est vrai que la face cachée de la Lune, par définition, on ne la voit pas, elle est derrière. Ceci étant, elle n'est pas très loin quand même. C'est quoi, 3-4 jours de voyage, s'il y a quoi que ce soit, c'est relativement rapide pour aller chercher quelqu'un en détresse psychologique en particulier. Mais voilà, je terminerai en disant que votre question montre bien le fossé qui existe entre ce qu'on fait aujourd'hui à 400 km au-dessus de nos têtes, dans la station spatiale, autrefois dans Mir, et la suite, les vols vers la Lune, les vols vers Mars. On dit toujours, il y a 3 étapes, la station spatiale, la Lune, Mars. Oui, mais le pas est un pas de géant pour passer de l'une à l'autre. Franck Léo, vous vouliez ajouter quelque chose, non ? On aura le temps d'y revenir aussi, hein, les questions psychologiques, voilà, les voyages lointains. On a d'autres questions, là, dans le fond, excusez-moi, pardon. Alors, monsieur, allez-y. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des médecins dans les navettes, par exemple ? Est-ce que ce médecin, s'il existe, est-ce qu'il peut traiter n'importe quelle urgence ? Et Comment ça se passe de la médecine pour des gens dans l'espace, quoi. Alors, il y a peu de médecins dans les navettes, de médecins de profession, mais dans chaque équipage, il y a un membre d'équipage qui est infirmier de luxe. On a tout le matériel à bord pour soigner les bobos les plus importants. Et il faut savoir que nous sommes proches de la Terre, donc s'il y a un problème grave, on peut toujours revenir sur Terre. En combien de temps on revient quand on est sur la station ? En une heure, hein ? Une heure, vous êtes sur Terre. Voilà. Une heure pour revenir. Vous vous retrouvez quand même au milieu du Kazakhstan ? Comment ? Vous vous retrouvez quand même au milieu, on atterrit en général au milieu du Kazakhstan. Alors pas au milieu, on se pose à côté d'Almaty. Enfin, c'est quand même un peu... Une heure d'hélicoptère de l'aérodrome, et ensuite on est à l'hôpital normalement. D'accord. Mais donc, on peut soigner quand même pas mal de choses dans l'espace, mais on s'arrange pour que les astronautes aient la meilleure santé possible avant de partir en vol. Et c'est pour ça que sur l'entraînement qui va durer 3 ans, on fait des contrôles médicaux tous les 3 mois. Et s'il y a une dynamique pour que les contrôles médicaux soient corrects pendant 3 ans, tous les 3 mois, il y a peu de chances quand même de développer une infection au moment du vol. Merci. J'aimerais rajouter un point. Thomas Pesquet... Il est, comme vous le savez, 6 mois à bord de la station et on l'a envoyé pas simplement pour faire des magnifiques photos comme vous les voyez sur le document. On l'a envoyé avant tout, bien sûr, pour faire de la recherche scientifique et médicale. Et parmi les expériences qui ont été développées par le CNES pour Thomas, il y a un échographe à distance. C'est-à-dire, vous avez un prof de CHU quelque part en France... qui est dans son bureau de médecin, dans son hôpital français, je caricature, qui joue avec son petit joystick, et sur le corps de Thomas, vous avez l'échographe qui est en train d'examiner les différents organes. Et donc, l'idée, c'est à distance, quand il y a un... Alors, ce n'est qu'embryonnaire, bien sûr, mais l'idée à moyen-long terme, c'est que quand vous êtes à distance, pour... toute une série de pathologies, pas toutes, notamment pas celles qui nécessitent des urgences, mais pour certaines pathologies, vous pouvez avoir un traitement, un suivi médical à distance. Et voilà, et la France, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la France qui est quand même reconnue dans le monde entier pour la qualité de sa médecine, eh bien, il y a cette extension vers la médecine spatiale et la médecine à distance en particulier. C'est ce qu'on appelle notamment la télémédecine. Donc, je vous posais la question tout à l'heure des applications possibles de tout ce travail qui est réalisé dans l'espace sur les astronautes, sur la santé des astronautes. Ben voilà, une application concrète, c'est qu'on se lance dans des applications de télémédecine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est obligé de miniaturiser les équipements médicaux qui vont partir dans la station, pour une question de poids évidente. Et on va se servir de cette échographie faite à distance, hein, puisque Thomas Pesquet, il a juste qu'à positionner la sonde sur le corps d'un collègue. Et puis c'est le médecin au sol qui la dirige différemment pour avoir les plans de coupe différents. Et ça, ben, c'est appliqué dans les régions reculées, où il n'y a pas forcément de médecin, mais il y a un aide médical qui peut tenir, mettre en route l'appareil d'échographie. Et un médecin à peut-être 5000 km de là, ou 2000, qui va faire l'examen pour savoir si la personne a besoin, quelle est sa pathologie, savoir si elle a besoin d'être évacuée. On est là dans un exemple d'application terrestre de technologie spatiale. Bonsoir, j'ai une question également. On a déjà envoyé plusieurs personnels féminins dans l'espace. Est-ce qu'on a pu mesurer un impact différent entre les femmes et les hommes suite à leur séjour au niveau médical ? Alors là, je ne maîtrise pas tout à fait ces données, mais il existe des différences, effectivement, hommes-femmes, notamment en ce qui concerne la consommation d'oxygène à bord, et puis peut-être même de denrées alimentaires, ce qui faisait dire à certains que l'équipage idéal, il serait féminin, puisque ça permettrait d'envoyer... Voilà, alors je sais qu'il existe... Excusez-moi, j'essaie de comprendre, c'est que les femmes consomment moins d'oxygène. Effectivement. Compte tenu de leur... même compte tenu de leur poids. C'est... Compte tenu de leur morphologie. D'accord. Voilà. Après, il existe quelques petites différences plutôt anecdotiques en termes de variation, enfin de réaction physiologique à la pesanteur. Mais globalement, c'est quand même, on peut pas dire qu'il faut envoyer que des femmes. Il n'y a pas des différences qui sont extrêmement nettes. Alors sur la présence des femmes dans l'espace, on s'est rendu compte aussi que lorsqu'il y a une femme dans l'équipage, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 16% de femmes, comme dans tous les métiers de ce type, c'est 16%. C'est quoi les métiers de ce type ? C'est les pilotes ? Pilotes, pilotes de chasse, pilotes de ligne, ou bien astronautes, scientifiques de haut niveau. Quand il y a une femme à bord, l'ambiance psychologique est meilleure parce que les hommes entre eux ont tendance à se comporter de façon moyenne, on va dire. Et quand il y a une femme, ils font un peu plus attention à leur tenue. Et cette attention dans la tenue correspond à un des facteurs qui est important dans la psychologie de groupe, qui est le self-care et faire attention à soi-même. Donc on s'habille mieux, on parle mieux, on mange mieux. Et tout cela va permettre d'avoir une meilleure ambiance dans l'équipage. Donc les femmes ont fait une influence très positive dans les vols. J'ai volé dans mon deuxième équipage avec la première femme commandant de bord d'une navette et c'était vraiment une mission extrêmement bien réussie. Et s'il n'y avait qu'un équipage de femmes, est-ce que la présence d'un homme aurait également une conséquence positive sur la mission ? Ça n'a pas été fait, mais ayant mon antécédent, je veux bien être volontaire. D'accord. Oui, bonjour. J'avais aussi la même question, en fait, mais plutôt sur le plan physiologique. Est-ce que, par exemple, sur la perte de masse musculaire ou de masse osseuse, est-ce qu'on a vu des différences entre les hommes et les femmes ? En fait, vous savez, les différences de perte musculaire que vous évoquez, éventuelles entre les hommes et les femmes, c'est pas vraiment ça le problème. C'est-à-dire qu'il existe une variabilité très importante entre les individus. C'est-à-dire, vous allez, qu'ils soient hommes ou femmes, vous allez avoir des astronautes qui, par exemple, font énormément de sport à bord de la station, hommes ou femmes, et qui vont perdre, par exemple, seulement 3% de leur densité minérale osseuse au niveau du fémur. Et dans le même temps, un autre astronaute, parce que sa ration alimentaire est moins bonne ou parce qu'il fait un petit peu moins de sport, va perdre sur le même site osseux 10%, 15% de densité minérale osseuse. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas une différence homme-femme crucial. La différence entre les individus, on la voit déjà au niveau de leur capacité à faire du sport, de leur envie à faire du sport, de leur manière de manger. Et il y a déjà des différences individuelles entre les individus du même sexe qui sont très importantes. Bonsoir. Une petite question. Enfin, deux petites, en fait. La première question, c'est quid du droit médical international peut-être pour dans le futur, est-ce que les astronautes signent une décharge ? Et alors une question peut-être plus technique, quid des opérations chirurgicales dans l'espace, notamment la gestion des fluides, les saignements, etc. Le droit médical. Je vais peut-être commencer, puis ensuite peut-être Franck continuera. Autant que je sache, il n'y a pas de droit médical. La station spatiale, pour faire simple, est divisé en deux parties. Vous avez d'un côté la partie, ce qu'on appelle la partie occidentale, sous leadership NASA, sous leadership américain, avec donc les Américains, les Canadiens, les Européens et les Japonais. Et d'un autre côté, vous avez la partie russe. Et chaque astronaute qui est dans la station spatiale à les protocoles médicaux de sa partie, si vous voulez. Les Russes suivent la médecine russe et les Occidentaux suivent la médecine occidentale. In fine, il y a de très petites variations entre les deux. Il n'y a pas véritablement de droit de la médecine, de droit médical. En ce qui concerne la chirurgie dans l'espace, on peut citer cette petite opération chirurgicale qui avait été faite dans l'Airbus Zéro Gravité il y a quelques années, et qui consistait un petit peu à se projeter, à imaginer ce que pourrait être la chirurgie future dans l'espace. Puisque si on opère quelqu'un en apesanteur, il faut fixer le patient sur la table, sinon il va décoller. Il faut fixer les chirurgiens sur leur siège, il faut fixer tous les instruments sur la table d'opération. Il faut prévoir éventuellement une sorte, ça on l'a testé en vol, une sorte de bulle en plexiglas pour éviter les projections de sang et autres composants biologiques. Se promène évidemment dans l'espace. Oui et non, c'est-à-dire si vous faites une coupure et que vous avez un saignement veineux, le sang va plutôt avoir tendance à s'étaler sur le doigt. Pour que les choses partent dans l'environnement, il faut leur fournir une énergie. Ce serait le cas par exemple d'une coupure avec un petit saignement artériel ou si on utilisait certains outils. Et donc on a fait il y a quelques années l'ablation d'un lipome sur, je crois, l'avant-bras d'un patient dans l'Airbus Zéro Gravité pour tester ce que pourraient être les conditions de chirurgie en apesanteur. Donc il y a deux parties, la partie russe, la partie occidentale. Est-ce que l'une des deux parties, je ne dis pas laquelle, se permet d'espionner l'autre ou... Non, pardon. On disait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Je rappelle qu'il y a 6 astronautes à bord de la station. En moyenne, vous avez 3 Russes et 3 Occidentaux. Ça peut un petit peu varier au fil des mois, au fil des expéditions vers la station. Mais vous avez à peu près la moitié. Et bien entendu, le choix des équipages se fait sur la base d'une bonne entente entre les différentes personnes. Bien sûr. Et les uns peuvent circuler d'un côté et de l'autre. Ça va de soi et tout le monde travaille ensemble. Mademoiselle. Quels sont les liens entre la médecine prédictive, c'est-à-dire la susceptibilité à développer des maladies, et le choix des astronautes ? La médecine prédictive, c'est-à-dire donc le fait qu'aujourd'hui, on est capable, en faisant des analyses génétiques, d'imaginer ou de savoir quelles sont les prédispositions d'une personne à développer telle ou telle maladie à l'avenir. Oui, alors ça, c'est un débat, effectivement, qui fait qu'on n'est pas tous égaux devant la fragilisation osseuse, indépendamment même de la quantité d'exercice physique qu'on ferait chaque jour ou de la ration alimentaire qu'on prendrait. On sait qu'il y a des différences entre individus en ce qui concerne la dégradation osseuse, la fonte musculaire, et qui sont probablement pour certains déterminées génétiquement. Et effectivement, on peut envisager dans l'avenir, pourquoi pas, dans le cadre de missions longues, qu'on pourrait baser au moins une partie de la sélection des astronautes sur leur potentiel génétique, enfin en tout cas ce que nous révélerait l'analyse génétique, à savoir que certains seraient plus résistants que d'autres face aux conditions de la pesanteur, par exemple sur le système osseux ou le système musculaire. Ça c'est dans le cas de voyages au long cours, qu'il faudrait éventuellement faire une petite sélection génétique avant, c'est ça ? Dans les sélections que nous avons faites récemment, on ne le fait pas, mais je sais que les Russes le font. Quand les Russes découvrent un problème lors de la sélection des astronautes, ils essayent de voir s'il n'y a pas une cause génétique. Moi, j'ai été l'objet, parce que moi, j'ai un problème aux yeux lors de ma première sélection 85. Les Russes sont venus m'examiner et ils ont demandé à voir mes parents. Et ils ont retrouvé la même chose chez mes parents, donc ils m'ont pris grâce à ça. Et du coup, les conséquences éthiques là-dessus, ne serait-ce que dans l'espace ou même sur Terre ? Les conséquences éthiques, alors quoi ? C'est-à-dire que le fait de sélectionner quelqu'un ou pas, c'est ça en fonction de son patrimoine génétique, c'est ça ? Alors ouais. Oui, je ne sais pas si le terme d'éthique est tout à fait approprié dans ce cas-là. Je rappelle la dernière sélection qui a eu lieu en Europe il y a quelques années, dans laquelle il y avait Thomas Pesquet. Il y a eu 8400 candidats pour toute l'Europe. Et au final, 6 heureux élus. Donc, faites le ratio, c'est infime. Donc, peut-être qu'il y a cette histoire génétique, mais bon, on a dit que c'est plutôt non côté européen. Mais même s'il y avait ce critère génétique, c'est un critère parmi des dizaines, des centaines d'autres. Parce que vous imaginez bien que pour passer de 8400 candidats à 6 au final qui sont retenus, on va regarder des tas de choses, on l'a rapidement mentionné tout à l'heure, ça va des diplômes aux capacités sportives, voir s'il n'y a pas des petits virus cachés au fond du corps qui, pour le commun des mortels, n'auraient aucun impact, mais qui, une fois là-haut, peut devenir méchant, peut devenir pathogène. Et donc, cet aspect génétique, je répète, il ne se fait pas en Europe, au moins pas pour l'instant. Mais même s'il se faisait, je ne pense pas que ce soit un problème éthique, puisqu'il y a suffisamment d'autres critères en jeu. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste par rapport au vol 0G, je voulais vous dire, comme il y a beaucoup de passionnés ici, si vous pouvez vous le permettre, faites-le, parce que c'est vraiment une expérience fantastique. Et sinon, s'il n'y avait pas de soucis techniques pour aller dans l'espace, si les vols touristiques étaient presque banals, je vais dire, et qu'après on en somme environ, je pense, 200, quelle serait la proportion réelle de personnes qui pourraient se permettre de partir ? Parce qu'en fin de compte, ça m'a l'air très très compliqué. Et voilà, on parle de vols touristiques, on essaye de démocratiser tout ça, mais en fin de compte, j'ai l'impression que très très peu de personnes pourraient réellement y aller, même simplement 15 jours, 3 semaines. En général, par exemple, là, s'il y avait 200 personnes ici qui souhaitent y aller ce soir, demain, combien peuvent réellement partir ? La majorité. Ce qui va se développer avant le tourisme en orbite, qui va quand même rester très coûteux pour très très longtemps, ce qui va se développer, qui est en phase de test là en ce moment, c'est le tourisme suborbital, c'est-à-dire qu'on va aller faire un petit saut de puce à la frontière de l'espace, mais l'engin qu'on va utiliser va redescendre immédiatement. Parce que c'est beaucoup moins coûteux, il y a beaucoup moins d'énergie mise en jeu. Et ce type de vol, si on a une bonne condition cardiovasculaire, si on souffre pas de claustrophobie, d'anxiété extrême, si on n'a pas de troubles de l'orientation, des vertiges, etc. Justement, c'est la majorité des gens pourra aller faire un petit saut de puce dans l'espace. Michel Tony, il y a quelqu'un qui est parti dans l'espace qui apparemment n'était pas tellement préparé. C'était celui qu'on peut être qualifié de premier touriste de l'espace. C'est-à-dire, ce n'était pas un professionnel. C'était un journaliste japonais que vous connaissez. Oui. Alors lui, et lui, ça s'est pas super bien passé. Oui, il a eu des problèmes de. Il était un petit peu. C'était quelqu'un qui était très inquiet. Et qui a eu des problèmes pendant son vol, mais qui a eu des problèmes également à l'entraînement, qui était c'est quelqu'un de très sympathique, mais qui n'était pas vraiment motivé pour aller dans l'espace. Ballot. Excuse-moi, c'est ballot. Alors, il s'est posé plein de questions arrivé là-haut, en se disant est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais revenir en entier. C'était un inquiet permanent, donc c'était pas le bon candidat, mais il y a eu une erreur. Ceci dit, son vol a été payé non pas par lui, c'est un touriste. Le vol a été payé par sa compagnie de télévision ou de journal. Oui, ça parle. C'est le journal qui a payé son vol. Alors j'ai une question aussi par là. Oui, bonsoir. Une question un peu particulière. Est-ce qu'il a été noté pendant les vols les plus longs des effets bénéfiques inattendus au niveau physiologique ? L'humilité. Oui, et je poursuis, effectivement, les effets bénéfiques sont d'ordre psychologique. Parce que pour les paramètres physiologiques, en un mot, le corps se dégrade. C'était le sens de la chanson, de la première chanson de ce soir. Alors, on a une page qui s'appelle « Souder le groupe », qui est la dernière, je crois bien. Est-ce qu'on peut en dire un mot, Michel Tonini ? C'est important de souder le groupe ? Et quels sont les bénéfices sur la Alors, mission. Souder le groupe, c'est important parce que dans la littérature, il y a un livre qui s'appelle Dragonfly qui explique les problèmes à bord de la station Mir, qui étaient des problèmes principalement psychologiques, qui sont les plus graves et les plus importants. Alors peut-être s'arrêter là-dessus. Il s'est passé. Racontez-nous les histoires là que vous pouvez nous dévoiler. C'est pas des secrets. Parce qu'on raconte toujours des très belles histoires sur l'espace, mais ça s'est pas toujours super bien passé. Ceux qui lisent le russe peuvent d'abord regarder dans la littérature russe. Il y a eu des problèmes à bord des stations Salyut d'astronautes, de cosmonautes qui ne s'entendaient pas, qui étaient des caractères assez forts. Donc Salyut, là, c'est quoi ? C'est les années 60, Alors, 70, les Salyut, c'était Gagarine 61, Salyut 70, 75. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est des gens qui se sont disputés. Il y a même un vol avec Kizim où ils ont fait un vol de 8 mois et les cosmonautes se disputaient tellement à bord, surtout le week-end, parce que les week-ends sont libres, qu'on a décidé de ne travailler tous les jours, y compris le week-end. Donc, ils ont eu des résultats scientifiques fabuleux parce qu'ils travaillaient tous les jours. Mais c'est la seule façon de contenir un petit peu le côté agressif de certains astronautes. C'est un mot. Au début, les astronautes étaient sélectionnés pour leur diplôme, pour leur force physique, pour être pilote de chasse ou bon ingénieur, mais pas tellement pour leur côté psychologique. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire, donc on a fait des efforts dans les recrutements. Mais vous dites disputés, mais ils se sont carrément bagarrés, ils en sont venus aux mains. Ils sont arrivés, ils se frappaient. Alors, attendez, parce que j'essaie de comprendre. Si je suis dans l'espace, que je vous donne un coup de poing... J'évite. Alors, imaginons que vous ne puissiez pas l'éviter. Vous recevez mon coup de poing, mais moi, je risque de reculer, en fait, et de partir à l'autre bout, si vous êtes contre un mur. Si vous êtes un bon combattant, vous saurez très bien qu'il n'y a pas que le coup de poing. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. D'accord. Okay. L'étranglement, d'accord. Alors, bagarre, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme histoire ? On a eu notamment pendant le vol Shuttle Mir, une personne qui a vraiment paniqué. Shuttle, c'est la navette américaine, la navette qui vient s'amarrer à la station Mir. Il y a eu le feu à bord de Mir et il y a eu un incendie. L'incendie et l'astronaute a eu très très peur et il n'a refusé de communiquer avec ses équipiers, avec le sol, pendant toute la durée du vol. Donc, il restait 3 mois à faire et il n'a plus du tout parlé. Donc, ce livre, Dragonfly... Il ne parlait plus au sol, il parlait à ses membres... À personne, d'accord. Il s'est mis dans sa petite cloche. Et c'est un ami à moi, je connais très bien. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Mais quand vous avez peur et quand vous êtes confronté à une peur majeure comme le feu... Parce que c'était un feu énorme. C'est un feu, on ne voyait pas à 2 centimètres. Hein, ouais. C'était... vraiment très très fort. Et donc, on a fait un entraînement HBP qui s'appelle Human Behavior and Performance. Donc, c'est un entraînement... Comportement humain et comportement performance. Comportement humain dans les situations extrêmes. Ouais. Il y a le NOLS qui se passe en montagne aux États-Unis. NOLS. Il y a le Cold Lake au Canada. Tout ça, c'est des noms d'entraînement. D'entraînement. Il y a les Russes qui font leur entraînement sur le matériel en amérissage et en territoire froid. Et nous, les Européens, on fait un entraînement en montagne et en cave. D'accord. Il y a un cosmonaute qu'on a dû redescendre. Qui c'est ce qui m'a raconté ça ? C'est pas Franck Lehaut qui m'a raconté ça ? Il y a eu une évacuation le jour de ma sélection, donc c'était en 80, je m'en souviens très bien. Il y a un astronaute qui avait une infection médicale et qu'on a dû redescendre pour des raisons médicales. Mais quand on regarde bien, c'était vraiment une infection qu'on aurait pu soigner avec des antibiotiques. Ils n'avaient pas les antibiotiques à bord de la station spatiale. Le vol devait faire 6 mois, ils sont redescendus au bout de 2 mois. Ah d'accord. Et il y a eu aussi un moment, je crois que c'est un vol Apollo, où les 3 membres d'équipage se sont ligués contre le sol, non ? Il n'y a pas eu une histoire comme ça ? Alors, c'était pas un vol Apollo, non, c'était un vol navette, où le régime à l'américaine est vraiment très très dense, et à un moment donné, les astronautes se sont mis en grève. Ah, ils se sont mis en grève ? Grève. Carrément. Ils sont fait la grève, manifestation, cocktail Molotov. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour ça l'incendie, alors, c'est le cocktail Molotov, non ? Non, pardon. D'accord. Alors, ceci étant dit, c'est une anecdote importante puisque, je ne sais pas si on va en reparler peut-être un peu plus tard, mais on se projette déjà, ce qu'on l'a dit avant, vers la Lune, vers Mars. Et tôt ou tard, vous aurez des colonies humaines sur la Lune, sur Mars. Et puis, on va recréer des petites sociétés humaines, finalement. Et donc, ces aspects médicaux, ces aspects psychologiques, ça va être un point majeur. Et en fait, plus on travaille sur ces perspectives à très très long terme, plus on se rend compte que c'est vraiment là où le bât blesse, c'est là où il y a les difficultés, et c'est moins sur les aspects purement techniques, comme la propulsion, les protections diverses et variées. C'est vraiment sur l'homme, sur l'être humain, qu'il y a des difficultés. Et plus le psychologique que le somatique, plus l'esprit que le corps. Les deux, bien sûr, ouais. Mais le psychologique, Michel d'accord. l'a dit aussi, c'est vraiment un des enseignements majeurs qu'on a depuis plusieurs décennies. Donc on a parlé de ces astronautes qui dépriment, qui se liguent, qui vont pas bien, etc. Et l'une des contre-mesures, puisque c'est l'expression que vous avez utilisée, c'est justement essayer de bâtir, de souder un groupe. Alors pour ça, il y a des entraînements. On va regarder ça, donc c'est la page numéro... Bah c'est la dernière page, hein, tout simplement. Dernière page, est-ce que vous pouvez nous commenter les 4 images ? Alors et ça, c'est l'entraînement, je les ai tirés de l'entraînement de Thomas Pesquet. L'entraînement en haut à gauche, c'est l'entraînement CAVE, qui est un entraînement de résistance psychologique, de durcissement psychologique, où on est dans des grottes, on fait un peu de la spéléo pendant 10 jours. Et on doit faire on est 10 jours dans, sous terre. Donc on perd le référentiel du jour, on n'a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, on est vraiment isolé. Et on doit faire chaque jour un entraînement et une marche différente d'un point à un autre. On a des missions, c'est ça ? Des missions, en descendant avec des cordes. Donc on doit être attaché, un petit peu comme en sortie extravéhiculaire. Donc c'est vraiment une mise en condition assez importante. Et le groupe n'a que le groupe pour survivre. Donc c'est eux, ils ont leur nourriture, leur set de couchage. Ils doivent nettoyer, repartir. Donc c'est un entraînement extrêmement important. Et de plus, c'est un entraînement que l'on fait de façon internationale. On y invite les Russes, les Japonais, les Canadiens, les Américains. Et donc, on commence à souder le groupe déjà en conditions extrêmes. Alors, c'est le groupe qui va partir, qui se retrouvera dans la station spatiale. C'est pas forcément le même groupe, mais c'est un entraînement international. D'accord. Et on essaye de mettre le groupe en entier. L'entraînement est tellement compliqué qu'on ne peut pas les mettre tout le temps dans les entraînements spécifiques. Cet entraînement a lieu environ à une moyenne de 1 fois par an. À droite, c'est l'entraînement que nous faisons à Moscou. En haut à droite, oui. En haut à droite, c'est la survie en cas d'atterrissage dans des conditions froides. Donc, on se pose avec le Soyouz et on doit résister pendant... Le Soyouz, c'est le vaisseau Soyouz, hein, c'est la capsule. Hein, c'est la capsule. Qui se pose lourdement au sol avec des parachutes. Et on doit rester 2-3 jours dans le Soyouz en survivant. Il faut survivre avec les moyens de bord que nous avons à bord du Soyouz, de cette capsule. Donc là, ils ont fait une espèce de petit abri. On apprend à faire des igloos, à faire des tentes avec le parachute. Tout le matériel qu'on utilise est du matériel que nous avons à bord du Soyouz, dont un que je ne dirai pas ici parce qu'il est secret. Mais donc, tous les équipements sont ici. C'est une pile. Non, ça, c'est pour. C'est un équipement pour tuer les ours. Pardon ? Pour tuer les ours. Ah, quelque chose pour tuer les ours. Voilà. Ah, d'accord. Mais en même temps, on n'a pas d'armes dans l'espace. Non. C'est ça ? Non, non, non. C'est un, ah, d'accord. C'est un lance-pierre, mais particulier. Ah, d'accord. Bon, bon. Ok. Donc ça, c'était en haut à droite, ah, entraînement russe. En haut à gauche, c'est... En bas à gauche, ouais. En bas à gauche, c'est l'entraînement que nous faisons sous l'eau. Donc c'est au large de la Floride. Donc on descend pendant un mois dans un bâtiment qui est sous l'eau, dans une espèce de sous-marin. Sous un mois. Un mois, en équipage. Et là, on fait des expériences scientifiques avec des mesures scientifiques que nous faisons tous les jours, comme à bord de la station. Et de temps en temps, on sort en scaphandre par un sas en dehors de ce sous-marin, comme si on faisait une sortie extravéhiculaire. Et c'est un entraînement qui est extrêmement intéressant, où les gens sont isolés pendant un mois. On peut le faire pendant 15 jours ou un mois. Et à droite, c'est l'entraînement dans la station spatiale, où nous simulons la panne la plus grave. Alors c'est la station spatiale à Moscou. Hein, alors ça, c'est au sol, qui est bien au sûr. Sol, ouais. Et là, on simule le feu. Donc quand il y a le feu, il y a deux choses importantes à faire. Ce sont les masques à gaz, les extincteurs et les checklists papier. Toutes les checklists que nous avons à bord de la station sont sur ordinateur, sauf une, celle des procédures d'urgence qui sont dépressurisation, air toxique et feu à bord. Et donc là, on soude un groupe, c'est ça ? On les met dans des conditions difficiles. Vous m'avez parlé aussi d'un entraînement étonnant où on va exprès augmenter le stress oui. sur certaines personnes plutôt que sur d'autres, en les traitant différemment. C'est du stress à la mesure. À la mesure. Donc on prend un groupe de 5 astronautes prêts à partir. Et en fonction de leur résistance, on va augmenter le stress graduellement en fonction de leur... évaluation et de leur réaction. C'est-à-dire que s'ils passent les obstacles très bien, là, on va les enfoncer exprès. On va leur donner un sac à dos plus lourd, ouais. Des cartes qui sont moins bien détaillées, des communications qui sont moins bonnes, moins de nourriture et surtout moins de sommeil. La chose qui détraque le plus au niveau psychologique, c'est la manque de sommeil. C'est quelque chose d'épouvantable. Vous prenez des gars, vous les faites dormir comme à Cold Lake. On les fait dormir dans le froid. Donc ils ça, c'est l'entraînement. Cold Lake, c'est l'entraînement canadien. Ouais. Donc ils dorment 2 heures, 3 heures par nuit et l'irritabilité augmente de façon exponentielle quand les gens ne dorment pas. Je vous assure que c'est quelque chose d'incroyable. Et là, on voit sa vraie nature agressive, passive. Chacun va se retrancher dans sa vraie nature. Ouais, ouais, ouais. Ouais. D'autres questions avant qu'on se quitte, monsieur ? Vous parliez de la sélection des astronautes. A priori, en sélectionnant au niveau physique, vous vous basez sur un bon physique, mais sur Terre. Est-ce que vous avez essayé de prendre des gens qui physiquement ne sont pas spécialement bons sur Terre, mais pour avoir un avantage dans l'espace en zéro gravité ? Par exemple, des problèmes de cœur qui feraient que donc il y aurait moins de pression au niveau du crâne ou autre ? Non, on est obligé de sélectionner des gens d'abord pour leurs conditions physiques terrestres. Il n'est pas pensable de sélectionner quelqu'un qui, en pensant que son corps il a une anomalie, mais que ça se passerait mieux dans l'espace. Donc non, la sélection, elle est vraiment avant tout terrestre. Vous aviez commencé à parler de missions longues. Est-ce qu'on remarque une accélération des problèmes divers, et notamment somatiques, sur des missions longues ? Ou est-ce que finalement, typiquement, pour une perte osseuse, ça va être une perte continue et constante au cours du temps ? Oui, tous les effets indésirables sur le corps humain, sur les divers appareils, ont chacun leur propre cinétique. Hein, donc, par exemple, on s'aperçoit que la fonte musculaire, elle est d'emblée très importante, puisque même sur des missions courtes, de 15 jours, par exemple, on peut arriver à perdre jusqu'à 10% du volume musculaire sur certains muscles, et puis après, ça va se ralentir. Au niveau de l'os, on a une courbe pareille qui se ralentit, mais sans vraiment s'arrêter. Et je crois que c'est au bout de 6 mois que cette courbe commence à ralentir. Mais on sait qu'au bout de plus d'un an, et on a fait des projections, au bout de plusieurs années, on continuerait à perdre de la masse osseuse. Les adaptations de tous les systèmes, le cardiovasculaire par exemple, c'est des durées plus courtes, au bout de quelques jours dans l'espace, après la répartition des fluides vers la partie supérieure du corps, on a une adaptation cardiovasculaire qui se fait. Donc chacune des modifications en fait a sa propre cinétique et donc son propre délai de mise en place dans l'espace. Et j'aimerais rajouter un mot. Vous avez peut-être suivi, il y a à peu près un an, il y a eu une nouveauté dans la Station Spatiale Internationale jusqu'à aujourd'hui. les missions standards d'un astronaute dans la station durent 6 mois. Il y a un an, vous avez probablement suivi ça, il y a eu un Américain et un Russe qui sont restés 12 mois, le double. Pourquoi ils sont restés 12 mois ? Parce que justement, on veut regarder ce genre de problème. Quelle est, comme l'a dit Franck, quelle est la cinétique, quelle est la vitesse à laquelle les problèmes médicaux apparaissent en vue de préparer des voyages lointains, en particulier les voyages humains vers Mars, qui vont durer en aller-retour quelque part entre 2 et 3 ans. On a appris pas mal de choses dans cette mission de l'Américain et du Russe. Par exemple, l'histoire des yeux dont on parlait tout à l'heure, qui se développe avec le temps qui passe. Mais on a encore plein d'incertitudes. Et ça nous fait dire qu'on n'est pas encore prêt, d'un point de vue médical, pour envoyer les astronautes en toute sécurité, médicalement parlant, pour un aller-retour vers Mars. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Avant-hier, nous étions dans le Larzac et mon fils a chopé l'appendicite. Le pauvre chou, il avait le ventre en vrac. Il fallait l'opérer et ça très vite. Mais par malheur, la neige et le verglas ainsi que ma voiture entretenue, mais mal. Et le plein que j'avais fait, mais il y a un mois, en 13 heures, nous étions à l'hôpital. Si un jour vous êtes vraiment mal, que vous êtes faible, que vous êtes frêle, mieux vaut habiter le spatial que Saint-Maurice-Navacelle. Bonsoir messieurs, comment l'épopée spatiale contribue-t-elle à faire avancer la médecine et la santé sur Terre ? D'une manière générale, ce qui se passe en apesanteur, c'est un vieillissement accéléré du corps humain. Donc on perd par exemple en un mois, traditionnellement, la quantité d'os qu'on perdrait en un an sur Terre. Les astronautes, ils sont. C'est valable aussi pour le vieillissement des artères, c'est valable aussi pour la dégradation des muscles qui peut être mise en parallèle avec la dégradation musculaire avec l'âge, c'est valable aussi pour la dégradation du système immunologique ou artériel que l'on voit aussi avec l'âge. Donc la station spatiale, en fait, c'est un modèle accéléré de vieillissement. À l'intérieur, un laboratoire dans lequel il y a un vieillissement accéléré des organismes et dans lequel on peut se livrer à de nombreuses expériences qui nécessiteraient un temps beaucoup plus important sur Terre pour aboutir à des conclusions. Oui, je voudrais ajouter aussi sur cette histoire de vieillissement. On s'est effectivement rendu compte que les astronautes sont un excellent modèle pour étudier le vieillissement de l'être humain. Et depuis quelques mois, quelques années, nous, Français, avec quelques partenaires, je pense aux Canadiens, un petit peu les Américains aussi, on établit des partenariats entre nous, les agences spatiales et les gens qui travaillent dans le spatial, et les sociétés de gérontologie, les sociétés qui s'occupent des problèmes médicaux des personnes âgées. Et l'idée, c'est un peu le sens de votre question tout à l'heure, l'idée, c'est d'une part, de simuler le vieillissement donc chez les astronautes et voir les effets de tel ou tel traitement qui auront un impact au niveau du traitement pour le citoyen et inversement voir comment se passe un vieillissement sur Terre et voir quel type de contre-mesures on peut appliquer aux astronautes pour ralentir ce vieillissement accéléré qui a lieu dans l'espace. Donc là, vous avez un excellent exemple du lien entre la recherche qui est faite dans l'espace et des applications très concrètes au niveau des personnes âgées. On parle, peut-être Franck pourra en dire un mot, on parle de l'ostéoporose, on parle des problèmes cardiovasculaires, tu as parlé des artères, etc. La recherche spatiale, c'est pas que de la recherche théorique ou la recherche pure. Il y a véritablement des applications pour le citoyen, et en particulier avec des sociétés un peu vieillissantes comme ce que nous avons en Europe, il y a un vrai impact. Il y a un troisième volet médical qui est un volet positif, c'est la construction de médicaments dans l'espace par la croissance de protéines de cristal. Donc ça ne s'applique pas à toutes les maladies, mais on peut comprendre, et je n'ai pas les photos ici, que la molécule d'une certaine maladie va croître dans l'espace de façon beaucoup plus grande, et on pourra faire la contre-mesure qui sera le médicament de façon très précise. On a environ une centaine de ces maladies qui sont en étude à la NASA et qui sont en train de grandir en ce moment dans l'espace pour faire les médicaments qui vont bien. Mais c'est une méthode qui est moderne, donc on n'aura pas les médicaments avant 10 ans ou 20 ans. Alors on va se quitter dans une demi-heure, on a encore plein de questions à se poser, d'échanges à avoir, et madame en a encore une pour vous. Voilà, une dernière, merci. J'ai pu rencontrer un écrivain de science-fiction et on a discuté de procréer dans l'espace. Et en fait, j'ai une question. Quel sera l'impact des rayonnements cosmiques sur les cellules liées à la reproduction ? Alors, on a fait des expériences de reproduction dans l'espace, non pas avec des êtres humains, mais avec des animaux. On a eu des salamandres qu'on a fécondés à différents niveaux de avant-vol, pendant-vol, après-vol. Et les reproductions se sont bien passées. Les Russes ont fait voler des animaux à cycle court, donc des oiseaux et des poissons qui se sont reproduits dans l'espace. Tout s'est bien passé. Donc ça laisse penser que la reproduction au niveau des humains se ferait correctement. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'expérience qui a été faite aujourd'hui. Mais si on fait un voyage sur Mars, ou aujourd'hui à l'Académie des sciences internationales, on parle des voyages maintenant en dehors de Mars, des voyages vers les étoiles. Et certains, ce sont des voyages qui vont durer des centaines d'années, et certains qu'on fera des familles sur place, qu'on fera des enfants, et que les générations se referont pendant tout le trajet des missions. Ah, il y a une femme ici, mais je ne dirai pas qui a dit qu'elle était candidate avec Thomas Pesquet. Il a déjà une copine. Bonjour messieurs, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Petite question un peu plus terre à terre. On parlait de stress tout à l'heure. Une source de stress reconnue plus ou moins sur Terre est le bruit. Et j'aimerais connaître l'environnement sonore dans la station ISS. Alors dans la station Mir que je connaissais bien et dans l'ISS que j'ai préparé au sol, c'est le niveau de bruit que vous avez dans un Airbus à peu près. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans une cabine économique et que vous parlez à l'autre cabine qui est derrière, ben on ne s'entend pas. Donc, c'est vraiment, on parle d'un point à l'autre par des systèmes de radio. On ne peut pas parler à la voix. Donc, c'est assez bruyant quand même. C'est-à-dire que si vous êtes dans un module différent, on ne pouvait pas crier entre deux modules pour que la personne vous entende. Il faut vraiment parler par l'interphone. C'est des ronronnements, c'est quoi ? C'est parce que c'est des appareils. Vous avez tous les ventilateurs. Ah, il n'y a pas de convection naturelle. Donc la convection, il faut la développer par les ventilateurs que la nous avons. La convection, c'est-à-dire les mouvements d'air. Hein. Les mouvements d'air que nous avons naturellement sur Terre, par l'air chaud qui monte, etc. Eh bien, on ne l'a pas dans l'espace. Donc on a des ventilateurs qui aspirent l'air tout le temps. Plus tous les systèmes de régénération d'oxygène, de fabrication d'eau, ce sont des ventilateurs. Les ventilateurs sont certaines fois bien centrés et d'autres fois ils sont un petit peu excentrés et ça fait un balourd et donc des ronronnements en permanence. Oui, là aussi je voudrais ajouter, les astronautes, comme n'importe qui d'entre nous, n'aiment pas le bruit, fuient le bruit, et certains modules de la station sont plus silencieux que d'autres. Voilà, et en particulier, vous avez tous entendu, j'imagine, parler de la TV, le vaisseau européen, le vaisseau cargo européen. On en a envoyé 5 depuis Kourou, depuis la base du CNES à Kourou. Donc c'est un vaisseau qui apporte du fret. Qui a apporté, sur la station spatiale internationale. Entre 2008 et 2015, il y a eu 5 missions. Automatique. Mission automatique, effectivement, qui a amené 5, 6, 7 tonnes de fret aux astronautes dans la station. Et en fait, lorsque l'ATV était arrimée à bord de la station pendant plusieurs mois, et une fois qu'on avait enlevé tout le fret qu'il avait amené, bien les astronautes aimaient beaucoup y aller parce que c'était très calme, il n'y avait pas de ventilateur ou presque pas, il n'y avait pas de bruit et donc ils pouvaient se reposer. Je reviens aux fonctions biologiques, là, la nutrition. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, à savoir s'il y a des recherches qui sont effectuées là-dedans? Est-ce que les astronautes sont complémentés avec des vitamines? Et puis aussi, quel est le rythme? Est-ce que tout le monde prend son petit-déj ensemble, son déjeuner, son dîner? Et qu'est-ce que la ration alimentaire, si je puis dire, de l'astronaute? Je fais la première partie de la réponse. Après, c'est Michel qui va répondre pour l'organisation pratique des repas. Les besoins, alors les astronautes, ils choisissent en fonction de leur goût, avant leur voyage, les aliments qui leur plaisent, avec le laboratoire qui est impliqué dans la préparation des aliments. Et puis donc, ils peuvent ainsi avoir à l'avance des menus qui leur conviennent, puisqu'il y a des grandes différences, notamment ethniques. Hein, l'alimentation russe ne va pas convenir à certains, l'alimentation japonaise non plus. Donc les repas sont préparés. En termes de besoins nutritionnels, bon, y a plein de choses. Hein, mais pour parler, par exemple, du besoin calorique, les besoins caloriques des astronautes sont calculés en fonction de leur taille, de leur poids, pour un individu de classe actif. C'est-à-dire qu'il y a trois classes, hein, modérément actif, actif, très actif, ça c'est aux États-Unis. Donc on détermine une ration alimentaire qui fait que pour un individu moyen, ça va être placé à peu près à 3000 calories le besoin quotidien. Voilà. Après, on a on a déterminé à l'avance la quantité de calcium qu'il fallait en vol, la quantité de magnésium, le ratio entre les protéines, les glucides, les lipides. Tout ça est prédéterminé et incorporé. Ces notions sont incorporées pour la préparation des repas. Oui, il y avait le blog de Thomas Pesquet qui est sur Internet. Hein. Le blog. Ah, le blog, oui, bien sûr. Donc, mais je ne le retrouve pas. Il expliquait donc que le matin, il se lève à 6h, il prend son petit déjeuner assez rapidement de façon individuelle. À midi, on prend chacun son sandwich dans son coin parce qu'on travaille tous de façon assez intensive. Ceux qui font de la science le matin vont faire de la maintenance l'après-midi et vice-versa. Et le seul repas que l'on prenne ensemble est le repas du soir, pour la convivialité et pour la bonne ambiance du groupe. Et le dimanche, y a pas mal de repos quand même. Alors le dimanche, c'est repos. Samedi après-midi, dimanche, c'est du repos. Donc c'est repos avec les communications avec le sol par Skype, ou bien on fait des photos, on envoie les photos au sol, on écrit ses livres, on apprend ses langues, si on veut apprendre une nouvelle langue, par exemple. Ce que font les Russes, ils apprennent l'anglais là-haut. Et... Il était temps. Dans la série Apprendre les langues, on peut signaler que Thomas Pesquet apprend le chinois et que l'idée, c'est que peut-être, hein, et on y travaille côté CNES, côté Agence Spatiale Européenne, peut-être qu'un jour Thomas ira dans la station spatiale chinoise. Parce que je rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, il y a une et une seule station spatiale au-dessus de nos têtes qui est l'internationale. Depuis quelques années, le CNES, l'ESA et plusieurs autres travaillons avec les Chinois qui sont en train de construire une station, également à peu près à 400 km d'altitude, qui devrait être opérationnelle en 2021-22. Évidemment, les premières missions seront des missions de taïkonautes, c'est comme ça qu'on les appelle en Chine. Les cosmonautes chinois. Mais dans quelques années plus tard, ils ont déjà dit qu'ils ouvriraient ça à la coopération internationale et on espère bien que Thomas ou un autre Français fasse partie des premiers taïkonautes. Alors Thomas Pesquet, il a eu un entraînement qui a duré de nombreuses années, 8 ans hein, je crois, donc ça a été vraiment important, mais il explique quand même que ce qui a été le plus compliqué dans son entraînement, ça a été l'apprentissage du russe. C'est ça qui était le plus compliqué. Ochenti jilo. Это не так просто. Ça veut dire oui, je confirme, ou ça veut dire non, c'est une paille et tout va bien? Надо знать, что повторение мать учения. Ouais, d'accord. La répétition est la meilleure. Qui parle russe là? Qui a compris? Il n'y en a pas un seul. Ah si, monsieur a compris. Alors attendez une seconde. Ah pardon? La répétition est la mère du savoir. Il est bon, il peut être astronaute. La répétition est la mère du savoir. C'est ce que je voulais dire, monsieur. C'est ce qu'il voulait entendre ce soir. Il est venu ce soir. D'autres questions? Alors, j'ai des questions derrière, là. Bonsoir. Bon, c'est impressionnant de voir des hommes comme Thomas Pesquet dans l'espace, et ça nous fait tous rêver. Mais au-delà de ce rêve et des études en médecine que ça peut apporter, est-ce que, quand on voit les progrès en informatique, par exemple, est-ce qu'on peut penser que des sondes ou des satellites pourraient remplacer les astronautes. Et pour être un peu polémique, est-ce que le métier d'astronaute pourrait disparaître ? Alors, c'est la fameuse question de l'exploration robotique versus l'exploration habitée. Alors, je vais essayer de répondre, premièrement avec une anecdote et ensuite sur le fond. L'anecdote, c'est la suivante. Il y a fort longtemps, quand j'avais votre âge, j'étais étudiant aux États-Unis et j'avais un prof qui a fait une jolie carrière par la suite. J'ai étudié sur l'exploration robotique de la planète Mars. Et lui-même, ce prof que j'avais, est devenu beaucoup d'années plus tard un des chercheurs principaux, vous savez, des petits rovers qui se baladent à la surface de Mars. Bref. Et alors, quand je discutais avec lui, justement, on parlait de cette question. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des robots à la surface de Mars ou envoyer des astronautes à la surface de Mars ? Et il m'a donné une réponse que je trouve excellente. Vous placez une bouteille d'Orangina. Alors lui, il avait dit Coca, il est américain. Moi, je dis Orangina, Cocorico quand même. Vous placez votre bouteille d'Orangina à 1 mètre ou 2 mètres de vous à la surface de Mars. Et puis, vous avez sur la ligne de départ l'astronaute à votre gauche, le rover super informatisé, super automatisé à votre droite. Et vous lui dites, l'objectif, c'est de récupérer votre canette, votre bouteille d'Orangina. Eh bien, l'astronaute, en 5 secondes, il la récupère. Le rover, il va mettre 2 semaines, il va calculer toutes les trajectoires, il va passer les rochers, il va tourner à gauche, je caricature. Hein. Voilà, donc ça, c'est une anecdote que j'aime bien dire parce que ça montre toute la différence entre une machine aussi intelligente et brillante soit-elle et l'être humain. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que dans un avenir prévisible, un robot, une intelligence artificielle, atteindra les capacités intellectuelles de l'être humain, notamment en milieu hostile, comme le milieu spatial. Ça, c'est l'anecdote. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, au CNES, mais aussi à l'ESA, à la NASA, et je crois dans la quasi-totalité des intervenants dans le milieu spatial, on ne raisonne pas sous l'angle les robots versus l'homme. On raisonne sous l'angle les robots et l'homme, ensemble. Il y a des tâches qui sont très bien faites par des robots et il n'y a aucune raison d'envoyer des bonhommes. Et inversement, genre la canette, où vous avez besoin de l'intelligence, de la dextérité de l'être humain pour réussir. Et donc, de plus en plus, et en particulier, on le mentionnait tout à l'heure, quand on est en train de préparer le retour de l'homme sur la Lune et l'homme sur Mars, de plus en plus, on parle de cette notion de partenariat humain-robot. Certaines tâches pour les humains, certaines tâches pour les robots. Je voulais savoir, étant donné que quand on revient de la station spatiale sur Terre, on subit quand même des conditions d'accélération qui sont particulièrement compliquées à vivre, même pour quelqu'un de normal. Est-ce qu'après avoir passé 6 mois sur la station spatiale et donc avoir vu sa condition physique au niveau musculaire et osseux se dégrader, est-ce que c'est plus compliqué à gérer ? Et par extension, est-ce qu'après avoir passé 2 ans et demi en étant parti vers Mars, ça serait particulièrement compliqué à gérer cette phase-là ? Les accélérations, c'est vrai qu'elles sont fortes quand on rentre sur Terre, quand on rentre en Soyouz, en capsule russe. C'est le seul moyen pour rentrer sur Terre aujourd'hui. L'accélération va se monter progressivement jusqu'à 5G. Donc vous allez peser 5 fois votre poids. Mais c'est une accélération qui est dans ce sens-là. Ce n'est pas une accélération qui risque de vous faire perdre connaissance. Dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens vers le nombril. Perpendiculaire à l'axe longitudinal du corps. Voilà, c'est ça. Le plus dur dans les accélérations... Ce n'est pas de la tête vers le... Ce sont des accélérations de pilote qui sont difficiles parce qu'on risque de perdre le sang dans le cerveau et on perd la connaissance. On risque de la syncope. Dans ce cas-là, on n'a pas de syncope, on a juste des accélérations qui sont perpendiculaires au corps. Et ce sont des accélérations auxquelles on s'entraîne pendant toute la période d'entraînement. Et on a une technique pour respirer, en respirant par le diaphragme et en évitant que la cage thoracique puisse s'écraser sur le cœur. Donc ce sont des techniques que nous apprenons et qui ne sont pas vraiment invasives pour le corps humain. Maintenant, quand on sort de la cabine, c'est vrai, quand on se pose au Kazakhstan avec la capsule, dès qu'on sort, surtout si on peut avoir un atterrissage encore un peu plus difficile, on a des médecins qui viennent nous chercher, qui vont nous amener, qui vont nous faire marcher. parce qu'on a du mal à marcher, on titube, mais c'est surtout un problème vestibulaire plus qu'un problème de résistance osseuse ou résistance musculaire. Et surtout, c'est aggravé par le fait que le Kazakhstan, c'est vraiment une steppe qui est extrêmement irrégulière et même en marchant normalement, on peut se faire mal. Bonsoir. On a parlé de compléments alimentaires que prenaient les astronautes et on a parlé d'expériences médicales. Je voulais savoir si les astronautes prenaient des médicaments, que ce soit pour leur santé ou pour des expériences en fait, scientifiques. Ah oui, pour des expériences scientifiques, ça peut arriver. Par exemple, on a testé dans l'espace les médicaments qui bloquent la résorption osseuse, c'est-à-dire qui bloquent la dégradation osseuse, et les mêmes qu'on utilise à présent sur Terre pour limiter l'ostéoporose. Le but quand même, quand on envoie un astronaute dans l'espace, et a fortiori pour une mission longue, c'est de pas lui faire une ordonnance de 50 médicaments. Donc on ne tend pas vers l'idée qu'on va barder les astronautes de comprimés matin, midi et soir. Le but, c'est plutôt de trouver des contre-mesures qui seront sans médicaments. Il y a une question qui me venait à l'esprit aussi. Donc c'est, j'imagine, par rapport à tout ce qui a été dit, la grande majorité des conséquences physiques sur l'être humain, c'est le manque de gravité. Et donc, j'imaginais que pour les missions longue durée, notamment pour aller sur Mars, par exemple, des vols qui duraient environ 6 mois, un aller simple, au moins, eh bien, déjà, psychologiquement, c'est de recréer un environnement qui ressemble à celui de la Terre. Donc, est-ce qu'on pourrait donc imaginer en fait, de concevoir un vaisseau spatial avec une partie en rotation pour créer une gravité artificielle et pour pallier à ces problèmes, en fait? Alors, il y a trois grandes familles de problèmes pour les voyages de longue durée, typiquement les voyages humains vers la planète Mars. Vous avez effectivement le premier voyage qui est type de problème qui est les conséquences de l'absence de gravité. On en a parlé abondamment ce soir, les os, les muscles, les yeux et beaucoup d'autres choses. Et les expériences que nous faisons dans la Station Spatiale Internationale, justement, visent à remédier à ces problèmes et à les réduire et à savoir les gérer. Mais vous avez deux autres catégories de risques. On les a brièvement mentionnées tout à l'heure. Le premier, c'est les risques psychologiques. Rester enfermé des mois et des années dans un environnement qui est beaucoup plus hostile que l'orbite basse terrestre, parce que vous êtes loin, parce qu'il y a des problèmes de délai de communication, parce que s'il y a le moins de soucis, vous ne mettez pas une heure ou quelques heures pour retourner, etc., etc. Donc les problèmes psychologiques, qui est vraiment un problème émergent. Et troisièmement, on l'a aussi mentionné rapidement tout à l'heure, l'histoire des radiations. Quand on va vers les 6, 8, 12 mois de voyage vers Mars, vous êtes bombardé non-stop de radiations néfastes pour le corps humain. Voilà, et donc, vous avez ces trois catégories de problèmes, et ce qu'on fait aujourd'hui dans la station spatiale adresse essentiellement la première catégorie. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur les deux autres catégories. Sans compter que recréer une gravité artificielle, pour l'instant, ce n'est pas vraiment nécessaire pour les missions de courte durée, et c'est sans doute pour ça que ça n'a pas été fait en pratique. Il en sera évidemment... Alors, on arrive quand même globalement à pallier avec diverses contre-mesures la dégradation de l'organisme. Mais quand ce sera des missions beaucoup plus longues, possiblement ces contre-mesures ne suffiront pas et il faudra peut-être emmener notre gravité finalement avec nous, comme on emmène notre oxygène, comme on emmène notre nourriture, afin de limiter sur le très long terme la dégradation de l'organisme. Et emmener sa gravité, ça veut dire, c'est comme dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, hein, on a un module qui tourne sur lui-même et on marche sur les... C'est ça, il est tubulaire, alors, c'est cylindre, il tourne sur lui-même et on marche sur les murs, c'est ça l'idée ? Il y a deux types effectivement de gravité artificielle possible. Il y a 2001 de l'Odyssée de l'espace, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez cet anneau, la station spatiale est un anneau finalement et les astronautes sont dans cet anneau. Cet anneau qui tourne, merci. Et puis, vous rappelez peut-être des scènes de jogging qui tournent comme ça dans l'anneau. Donc ça, c'est évidemment un moyen de créer de la gravité artificielle pour pallier ce que je disais tout à l'heure aux premières des catégories de risques. Vous avez un deuxième type de gravité artificielle, ce sont des centrifugeuses à bras courts, 2 mètres, 3 mètres typiquement de rayon, que vous allez mettre dans un des modules de votre vaisseau. Et donc, l'astronaute, typiquement pour un voyage martien, pendant les 6, 8, 10 mois du voyage, tous les jours, il va se faire 1 heure, 2 heures, 3 heures à tourner un peu comme un imbécile dans cette centrifugeuse à l'intérieur de la station. Alors, ce qui est intéressant à noter, il y a quelques années, il y avait eu un projet sous leadership japonais, il y avait des chercheurs français, il y avait des Américains, il y avait plein de monde, qui avait comme objectif d'installer une centrifugeuse dans la station spatiale internationale, justement pour voir les effets de la gravité artificielle. Et en fait, ce projet a fait long feu, pour une raison toute simple, mais qui est pleine d'enseignements, c'est que vous mettez une centrifugeuse qui tourne dans une station, entre guillemets, immobile. Évidemment, elle n'est pas immobile, elle bouge, mais voilà, quand on est à l'intérieur, on a l'impression qu'elle est immobile. Eh bien, vous avez d'énormes charges mécaniques de vibrations, de contraintes sur la structure, et je caricature à peine, elle risque d'exploser. Alors, vous imaginez? Et donc, c'est le même problème qu'on aura pour aller vers les voyages martiens. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas probablement faire de centrifugeuse intégrée au vaisseau. Il faudra soit faire un vaisseau tournant, genre 2001, soit rien du tout, et ça pose d'autres problèmes. Dans la marine nationale, aujourd'hui, on fait des plongées de 60 jours, qui est la limite du psychisme de l'équipage. Au-delà de 60 jours, les gens peuvent revenir à la surface avec un processus qui s'est rééquilibré puisque c'est élastique. Après 60 jours, il y a, c'est démontré, des séquelles parmi l'équipage. C'est important parce qu'on voit des pilotes d'avion aujourd'hui qui perdent leur tête et qui perdent leur psychisme et qui rentrent dans les montagnes et d'autres incidents qui se sont produits en vol récemment encore. On est arrivé aujourd'hui à avoir des systèmes qui sont devenus très fiables et qui, bien sûr, ce n'est plus comme avant l'homme qui surveille le système, mais on est quasiment, c'est le système qui va commencer à surveiller l'homme. Comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés à faire voler des hommes très très longtemps parce que ça pose énormément de problèmes, je pense, moi, par contre, que ça sera plutôt demain l'aventure des robots. Merci pour cette contribution. Alors, j'ai une petite question, Michel Tonini. J'ai une petite question. Enfin, surtout, on répond pas. Oui, à je vous en prie, question. Allez-y, je vous en prie. Oui. Non, moi je crois qu'au contraire, que la présence de l'être humain va être importante dans le futur parce que, on l'a vu dans la sortie de Thomas Pesquet, il est allé dehors carrément pour mettre des connecteurs de batterie à l'extérieur. Donc on peut faire toutes les opérations par des robots, par des robotiques, sauf brancher des connecteurs. Aujourd'hui, moi, je travaille avec d'autres personnes sur les stations spatiales solaires du futur. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur Terre. On va bientôt être très rapidement à 10 milliards sur Terre. Nous aurons toutes les ressources sur la Terre, sauf l'énergie. Et l'énergie, elle ne sera en extinction au niveau des fossiles et même au niveau nucléaire. Donc, il faut qu'on aille chercher l'énergie au niveau du Soleil. Et donc, on a un plan de faire des stations spatiales solaires qui seraient à 36 000 km pour ramener... Au-dessus de la Terre, oui. Au-dessus de la Terre, pour ramener l'énergie vers le sol. Et bien, pour chaque station spatiale solaire, il faut 240 sorties extravéhiculaires. Vous imaginez le travail qu'il y a à faire. Et ce travail est impossible à faire par des robots. On peut dire aussi que tout le monde se souvient évidemment de l'arrivée de Neil Armstrong sur la Lune, mais personne ne se souvient, ou très peu de monde, se souvient du nom du premier objet artificiel à s'être posé sur la Lune. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'homme dans l'espace, ça a quand même plus de poids, c'est un symbole plus fort qu'un robot. Hein. Même si les robots, c'est absolument extraordinaire, on l'a vu avec Rosetta, avec Philae, entre autres... Évidemment, mais voilà, l'homme, c'est pas la machine quand même. Depuis 50 000 ans, l'homme a inventé des moyens de transport, quels qu'ils soient, à cheval, à vélo, en voiture, à chemin de fer, en avion. Et à chaque fois qu'on a inventé un moyen de transport, il n'y a jamais eu de régression. Et pourtant, l'avion a été inventé il y a un siècle. Au début, les pilotes étaient taxés de fous volants. Aujourd'hui, nous avons 100 000 vols par jour au-dessus de la Terre. Et il en sera de même pour les vols spatiaux dans un avenir très proche. Alors François Spirou, on a parlé d'avenir, on va finir peut-être sur l'avenir. Vous avez parlé de cette station spatiale, la Tiangong 2, là, qui va être en construction. D'ailleurs, ça a commencé en septembre, il y a eu un premier lancement. Mais il y a d'autres projets, et il y en a un autre en particulier dont on ne parle pas beaucoup, et qui pourtant prend un petit peu de poids. Avec la Lune, là, de quoi est-ce qu'il s'agit au juste? Alors, il ne s'agit pas du village lunaire dont parle l'Agence spatiale européenne, mais d'autres choses. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, je vais répondre en deux temps. Il y a deux types d'activités humaines dans l'espace pour les 20 ans qui viennent, on va dire. Le premier type d'activité, c'est une multiplication des activités d'astronautes en orbite autour de la Terre, typiquement d'autres ISS, d'autres stations spatiales. On parlait de Tiangong, des Chinois, mais il y a surtout côté US toute une série de milliardaires, d'entrepreneurs américains qui sont en train de développer des modules ou des séries de modules qu'ils vont assembler dans quelques années dans l'espace, et ça va former des stations spatiales privées. Et un peu plus tard, on parle d'hôtels en orbite autour de la Terre, etc. Donc, premier type de dévolution vers le futur, c'est qu'on va avoir une sorte de démocratisation de l'orbite basse. L'orbite basse, hein, je rappelle, quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, avec plus comme aujourd'hui ou comme hier, uniquement la puissance publique, représentée par les agences spatiales, mais également des acteurs privés. Ça vient des États-Unis. Comme le disait Michel, il y a un siècle et demi avec l'aviation, au début c'était des fous, c'était des rêveurs, et finalement ça s'est démocratisé. Je pense que ce sera pareil au niveau de l'orbite basse. Et puis effectivement, deuxième étape, c'est une nouvelle station spatiale publique, mais plus autour de la Terre, mais autour de la Lune. Et là, les agences spatiales, depuis 2-3 ans, sont en train d'y travailler. Dans notre jargon, on appelle ça le Deep Space Habitat, l'habitat de l'espace lointain. C'est une petite station où il y aura a priori 4 astronautes à bord, pas de manière permanente comme dans la Station spatiale internationale, par intermittence, qui seront à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface de la Lune et qui iront faire des petits sauts de puce à la surface de la Lune pour faire de la recherche, pour faire des activités d'opération. Mais ce sera également un endroit d'où pourraient partir des missions habitées vers Mars. Et cette station lunaire, cette station autour de la Lune qui est en gestation, comme l'ISS, comme la Station spatiale internationale, est en train de se développer dans un cadre international avec la quasi-totalité des pays spatiaux. Beau projet. J'ai l'impression que ce projet-là dont vous nous avez parlé, il participe d'un mouvement un peu plus global. Le mouvement global, c'est un peu comme l'aviation, comme l'a dit Michel tout à l'heure. Au début, c'est des fous, c'est des rêveurs, c'est des gens un peu à la marge de la société. Et puis petit à petit, ça se démocratise. Et là, on est vraiment dans les années qui viennent à une sorte de tournant où l'orbite basse terrestre va se démocratiser. Et donc la puissance publique, elle n'a pas de rôle véritablement important à jouer quand une activité se démocratise. La puissance publique, dans nos affaires de haute technologie, elle veut repousser les limites. Et donc, les limites, bah, c'est au-delà. Au-delà de l'orbite basse, bah, c'est la Lune. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer la Lune. Contrairement à ce qui a été fait à l'époque d'Apollo, il y a une cinquantaine d'années, Apollo, on appelle ça « flag and footprint », ceux qui comprennent l'anglais, l'américain. Vous y allez, vous plantez votre drapeau, vous mettez une jolie empreinte de votre pied de scaphandre, vous ramassez quelques cailloux et puis vous retournez. C'est très bien, et les missions Apollo ont été un grand succès. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. On est dans la logique « on y va, on y reste ». Et on part de ce nouvel endroit pour aller encore plus loin. Donc c'est une toute autre logique qui est en train de se mettre en place avec, je résume, l'orbite basse qui sera bientôt accessible à tout le monde, ou presque, un peu comme les vols paraboliques, Franck le disait tout à l'heure, moyennant quelques milliers d'euros, pratiquement tout le monde peut les faire aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, ce sera un prix divisé par 2, par 3, par 4, je ne sais pas. Eh bien, les vols habités vers l'orbite basse, ça va se démocratiser dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, et la nouvelle frontière, pour parler américain, ce sera la Lune et un peu plus tard, ce sera Mars. Alors avant qu'on se quitte, j'ai quelques tout petits messages à vous transmettre. D'abord, il y a quelque chose que je dois vraiment vous conseiller pour en savoir plus sur cette question du corps dans l'espace. C'est un web documentaire qui est absolument formidable. Je l'ai testé, donc j'en parle vraiment en connaissance de cause. Si vous tapez micro-pesanteur Proxima dans votre moteur de recherche, vous allez trouver ça, ce web documentaire. Donc c'est à la fois un récit en images, en vidéo d'un astronaute et on partage sa vie. Et donc c'est vraiment un récit en images dans la Station Spatiale Internationale. Et puis il y a des pages documentaires qui détaillent les effets de la micro-pesanteur sur le corps. Donc c'est vraiment absolument passionnant. Ça s'appelle donc En micro-pesanteur, vous tapez En micro-pesanteur Proxima ou En micro-pesanteur CNES, je suis sûr que vous tombez dessus, et vraiment je vous le conseille. Et l'image du globe oculaire, vous savez, qui est écrasé, que vous avez vu tout à l'heure, je l'ai tirée de ce web documentaire, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Xavier, que vous entendez, c'est lui, derrière, qui joue. Il a un nom de famille aussi, c'est Ferrand, Xavier Ferrand, et il a créé un spectacle qui s'appelle Sérénade pour pianiste inachevé. Et ce qui est inachevé, en l'occurrence, c'est le pianiste, hein, il n'y a pas de E à la fin. Sérénade pour pianiste inachevé, un solo musical, poétique et burlesque, et c'est au Théâtre Clavel, 3 rue Clavel, dans le 19e, les jeudis, vendredis et samedis, à 19h30, à partir du mois de février, hein, c'est à partir du 10 février, on aura le temps d'en reparler, Xavier, évidemment. En tout cas, on va te suivre. Et si vous voulez des petits flyers comme ça, il y en a ici sur cette table pour aller voir le spectacle de Xavier. Nous, on se retrouve le 21 février. Alors moi, je ne serai pas là, mais on parlera quand même du satellite. Quand le satellite sauve des vies, ce sera le sujet du prochain Mardi de l'espace. Et moi, je serai là le 21 mars. On va parler de Gaïa, vous savez, ce satellite extraordinaire qui s'intéresse aux galaxies. J'ai l'impression effectivement qu'il y a une nouvelle envie d'espace. Votre présence nombreuse semble l'attester. Ces projets tout à fait étonnants l'attestent également. Il se passe des choses aux États-Unis, c'est évident, avec notamment ce projet d'Elon Musk d'envoyer des gens dans l'espace, en tout cas sur Mars également. L'Europe, la France sont aux avant-postes dans cette nouvelle course. Ils sont prêts à tenir leur rang. Il y a Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, qui nous a appris il y a quelques jours que le budget du CNES avait été augmenté de 10% en 2017. C'est pas mal, 10%. Si, c'est ce qu'il a dit. Ah bon, d'accord, bon, on en reparlera. En tout cas, il y a envie d'hommes, il y a envie de femmes dans l'espace. Il y a envie, évidemment, dans ce cas-là, il y a besoin d'en savoir plus sur leur santé. Et ça tombe bien parce que quand on en sait plus sur leur santé dans l'espace, il y a aussi des retombées sur Terre. En tout cas, tout ce travail, c'est grâce à vous qu'il est mené. Merci infiniment, Michel Tonini. Merci à François Spiro. Merci à Franck Lowe. Et puis merci à vous tous pour votre patience et votre intérêt. On se retrouve le 21 février quand le satellite sauve des vies. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.